Salut, c'est Tivoti. Vous êtes à l'écoute de RQC Moucron sur 95.fm dans l'émission 80 à l'heure animée par Harry, Stéphache et toute son équipe. Vous écoutez SDF. Et surtout les amis, restez branchés. À bientôt. Tiens, qui voilà. RQC1, RQCN, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bah oui, on attaque directement avec notre ami Tivoti, en fait, qui salue Harry et Stéphache, qui ne sont pas là aujourd'hui, puisque c'est Camille qui vous accueille. Voilà, pour des raisons bah, perso, tout simplement, parce que parfois il y a le travail, donc Harry et Stéphache ne seront pas avec nous aujourd'hui. Voilà, mais c'est pas pour autant, on a quand même l'ensemble de l'équipe qui est là aujourd'hui. J'espère que vous allez bien par ce temps pluvieux. Donc vous êtes dans l'émission 80 à l'heure et puis on va faire de la musique, on va faire du bruit avec l'équipe constituée telle qu'elle est, avec c'est qui le plus beau aujourd'hui? Ah non, il paraît qu'il faut être poli maintenant parce qu'on a une femme. Ah bon? Ah merde, ouais, quand faut même être poli. Donc salut Flipcat. Non, tu vois, Harry nous le fait, moi ça marche pas. Salut Onissa. Bonsoir à tous. Comment tu vas? Super bien. Comment tu vas? Ah ça y est, ouais, ça oui non tu oui oui avec... non ouais, voilà. Mais non, il fait non, c'est vrai, non, et on est obligé d'être poli, il faut tout de suite passer ça. Voilà. C'est même pas la politesse, c'est la galanterie. Je suis poli même pas. Donc, tu vas bien? Donc, à part ça, je vais très bien, merci. Oui, tu vas bien. J'ai passé un super week-end. Ouais, t'as plein de choses sur lesquelles tu vas revenir, je pense, pendant l'émission. Ouais, voilà, il y a des événements qui oui, qu'on a parlé la semaine passée, et franchement, c'était très agréable. Voilà, écoute, c'est bien que tu sois là parce que ça va être un peu ton show aujourd'hui, puisque comme Harry n'est pas là, que je vais essayer de mener avec mes comparses un peu l'émission, il y aura un peu plus de temps de parole parce que Dieu sait que quand tu t'exprimes, Salakis, Harry s'occupe de toi. Oui, voilà, ça prend du temps. donc voilà. Et donc, j'en parlais tout à l'heure, juste là, Flipcat. Oui, salut. Bonsoir. Tu vas bien? Ouais, bien, bien, bien. Bon. Ouais, écoute, ma foi, ça va. Ton foie va bien? Ma foi aussi, c'est pour ça que je le dis. Et puis, puisque Onissa disait qu'elle a passé un bon week-end, week-end très calme, donc mon foie au repos. C'est vrai? Oui, ça arrive. Ouais, non, ça arrive. Ça fait du bien de temps en temps, mais bon, un peu de répit, c'est un peu le repos avant d'aller le au combat. Donc, tu nous reviens à je sais plus quelle heure, du coup. 21h30. À 21h30, avec ta chronique sur le groupe. Vas-y, tu t'en souviens plus déjà. C'est pas les Clash, c'est les Splash, c'est les Sparks. Les Sparks, c'est ça. Et voilà, d'un seul coup, t'as une petite étincelle. Elle est bonne. Donc, c'est les Sparks. Ouais, voilà. Voilà, les Sparks, le groupe mythique Spark, qui a quand même une belle actualité. On en parlait hors antenne, on peut le dire. C'est vrai que moins connu qu'on dit les Sparks, pourtant ça parle quand même à beaucoup de personnes. Et ils ont fait vraiment beaucoup de disques. Franchement, tu nous en parleras. Voilà. Assez étonné moi-même. Voilà, donc à 21h30, et puis, faut-il le présenter, Monsieur Cinéma, notre Pierre Tchernia à tous, notre George Lucas à peu près. Je préfère George Lucas parce que Pierre Tchernia maintenant est décédé. Donc, je veux bien qu'aujourd'hui c'est le jour des morts, mais ouais, quand même. Et oui, voilà. Il a fait décéder Pierre Tchernia. Voilà, Sherlock. Hein. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ça va? Très bien, très très bien. Je te trouve beau aujourd'hui. Ouais, moi aussi. Non, je plaisante. Et, par contre, je suis dégoûté, t'as pas de t-shirt. Oui, quand même. Ah, si. Ah, il est en dessous. Waouh. Elle a pas kiffé une pipe à canard. Il faudra que je fasse la photo. Absolument. Encore que avec les dents. Enfin, bon. Messieurs, je vous promets tout à l'heure, avant la fin de l'émission, je vous mets en direct sur 80 à l'heure, en fait, un lapin en train de faire une pipe à un canard. J'allais dire, justement, il vaut mieux que ce soit le lapin qui fasse une pipe au canard que le canard une pipe. Ah, mais c'est pour ça. Que il y a les dents. Hein. C'est pour ça que les castors ont la queue plate. Hein. Donc, pas de problème. Donc nous sommes le jour de la fête des morts, donc on va essayer de mettre de l'ambiance. Sinon, moi j'ai des chroniques aussi. Oui, quand même, oui, c'est vrai. Je préviens. À 21h, je ferai. C'est ça, ouais. Où tout le monde me dit ah, je sais ce que c'est Retour vers le futur. Donc c'est pas ça, je le dis tout de suite. Non, mais tous les invités me font ce coup-là. C'est ça qui est rigolo. Donc c'est la chronique Ciné Rétro 80, donc à 21h, où j'essaierai de vous faire deviner un film des années 80. Bon, Nissa, déjà, je vois qu'elle fait la tête parce que elle est nulle en ciné. Ah donc, oui, non, c'est vraiment une et ensuite, à 22h, je vous ferai la chronique cinéma, donc sur les sorties ciné de la semaine qui vient. Il y a de bons, films qui sortent. Ouais. Ouais, il y a de bons films qui sortent. Ça va être sympa. Bah écoute, on va se faire une petite pause musicale et revenir avec tout ça parce qu'il y a aussi beaucoup d'actualités. On vous parlera de Fabricio, on vous parlera de notre ami Tivoti, on vous parlera des Miss qui arriveront bientôt pour le plus grand plaisir de notre ami. Ah ouais, bien sûr. Qui nous en parlera avec une chronique spéciale d'ailleurs. Qui va nous Miss un jour, Miss toujours. Et donc voilà, qu'est-ce que tu nous as concocté ou... Eh bah écoute, comme c'est un jour un peu, on va dire un peu spécial. Non, tu veux pas nous mettre une musique de messe. Non, bah non, non, j'ai pas pensé. J'ai prévu Queen avec A Kind of Magic parce que hein, c'est un petit peu magique Halloween et juste après Ray Parker Jr. Tu parles d'Halloween. Halloween c'était hier. Ouais, bah oui. Bah, ça fait partie du week-end, quoi, en fait. Bah ouais, c'est un peu. J'ai mis un petit avertissement, moi j'ai pas eu un coup de sonnette chez moi. Hein. Franchement, il était tranquille. Sinon, un coup de pelle. Voilà, et ça a marché. Moi, je vous propose un jeu pour Halloween en plus, tous ceux qui nous écoutaient. Déjà, on vous salue, n'hésitez pas à vous manifester sur notre page. Et puis, vous savez, le côté Halloween, ici Trouille, à l'autoroute, ouais. Ici Troën, à l'hôpital, ici Phyllis. Non, ça c'était ah, ici moi. Ici Vierre, moi je connaissais. C'était ici Phyllis. Chacun son problème. Donc, si vous avez des blagues comme ça, vous savez, allô quelque chose, bah allez lâchez-vous et tout ça. Donc je fais des gros bisous aussi à Arnaud qui doit nous écouter actuellement pour... Pourquoi une... Pour la syphilis ou... Non, pour une soirée mythique, pour une soirée mythique que j'ai passée avec lui hier soir, qui a été, où je me suis réveillé ce matin 10h. Oui, donc oui, c'était oui, un oui, grand oui. moment. Vive bon, le okay. breton. Voilà. Bon, bah écoute, on va se retrouver tout de suite après Queen avec A Kind of Magic et Ray Parker Jr. avec Ghostbusters. Très c'est bien. Parti. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way.

Hello, vous êtes toujours sur RQC 95 FM à l'émission 80 à l'heure avec l'équipe de choc. Attention. T'as une voix, j'ai envie de me faire dessus quand tu parles. C'est franchement, on a bien fait de prendre une voix féminine. Pourquoi elle te fait peur que t'as envie de te faire dessus? Non, on est en train de se faire des selfies là, je t'explique pas. Donc, on va pas tout raconter. Hein. Voilà, vous avez la voix d'Onissa. Ça fait plaisir d'avoir une voix féminine, j'espère que vous appréciez tous. Voilà, donc Onissa nous a rejoint en fait pour ceux qui reprennent l'antenne depuis, qu'on va dire, un mois et demi à peu près, grosso modo. Un bon mois. À peu près. Elle est dans sa période d'essai, et puis on est en train de se dire que, bon, on va pas la garder, mais elle est... Elle s'incruste et tout ça. C'est une question que je t'ai pas posée, en fait. Qu'est-ce qui te plaît le plus, ou qu'est-ce qui t'a attiré, en fait, dans une émission radio? Pour une fois, je me suis demandé si c'était une blague, quoi. Quand tu m'en as parlé, je dis, bah ouais, c'est vrai que ça serait chouette, mais quand je suis arrivée, allez, l'équipe, elle m'a tout de suite accepté, c'était génial. En plus, j'apprends plein de choses, rien qu'avec Sherlock, par exemple. Mais c'est vrai. Allez, Sherlock. La sexualité des cancrelats. Point de vue cinéma, moi, je suis nulle, hein. On le voit d'ailleurs chaque fois qu'il y a, pour deviner un film. Mais en fait, j'apprends plein de trucs. Avec Fleet Cat, on apprend aussi plein de choses sur des groupes que, ben, qu'on connaît pas, ou qu'on connaît les chansons, mais on connaît pas les. Et puis, bon, il y a une énergie, c'est sympa, quoi. Ça, je pense qu'il y a, ouais. Et puis, tu rencontres plein de monde, hein, et des choses intéressantes, quoi. Tu vis. Et Harry, tu apprends quoi de Harry? Ah, bah, Harry, j'ai eu le plaisir de. J'apprends à fermer ma gueule. Sinon, j'en prends plein la tronche. Ah, non, mais j'adore parce que, ben, allez. D'ailleurs, ce week-end, je suis allée le voir au salon, là. C'était excellent. Au stand saucisson, oui. Ah, mais j'ai fait tous les stands avec Harry, hein, même les voitures et tout. On a tout fait. Ah, mais tu peux en parler parce que. Absolument. Ah, non, franchement, on avait parlé la semaine passée du salon de Waterloo, là, le salon du terroir. Eh bien, franchement, c'était nickel. Un petit village, tu veux dire, c'est un petit salon. Mais super bien, l'accueil nickel, des bons produits. Tu découvres plein de choses que t'as pas l'habitude par ici. On a eu tous les trucs de. Du terroir d'Alsace, les fromages. On s'est régalé, quoi. C'était le top. Il y avait une très belle distribution. C'est Waterloo, une petite ville. Donc, dès qu'on dit salon commercial maintenant, on se dit, mon Dieu, à part Paris, il n'y a rien. Et ils font quelque chose de bien. C'est vrai que j'ai eu l'occasion d'y aller, voir aussi Harry lui dire un bonjour, quoi. Et j'avais fait un petit selfie vidéo vite fait sur Facebook en disant, j'aime bien ma ville, mais d'un autre côté, venez, parce que, on part du saucisson, tout ça, mais je veux dire, c'est vrai que l'animation globale, il y a quand même des commerçants, c'est plutôt quelque chose de sympa. Donc sachez à l'occasion, si l'année prochaine ça se produit à nouveau, n'hésitez pas à y aller, c'est quelque chose, une belle animation, c'est un vrai salon commercial, il y en a très peu, hein, il y en a de moins en moins. Oui, c'est ça, et en plus. On n'avait que ça avant, dans toutes les villes, Tourcoing, Roubaix, Waterloo, Aluin, Croix, Villeneuve, il n'y en a plus. Waterloo garde son salon commercial et je trouve ça sympa. La petite buvette à prix très académique, entre 8 et 12 euros en haut, avec le truc convivial. Madame Patate, et en plus, il faut savoir, l'entrée est gratuite, parce qu'à l'heure actuelle, dès que tu as un truc, normalement, tu payes l'entrée. Oui. L'entrée est gratuite, les parkings sont... à proximité, c'est vraiment organisé. Bien. Franchement, c'était chouette. Et puis voilà, donc Harry en fait faisait l'animateur vedette, qui est un métier à part entière, parce que pendant 3 jours, il faut simplement parler, mettre en valeur les stands. Donc quand t'as fait le tour, il faut les recommencer, puis il faut interviewer tout ça. Puis quand tu commences à 9h30 du matin jusqu'à 20h le soir, je peux te dire que t'as fait ta journée. Hein. Il était bien fatigué. C'était un beau boulot. Donc pour revenir aussi à l'actualité, il y a des choses qui se sont passées, qui vont se passer en fait au mois de novembre. On va parler aussi de monsieur Fabricio Zeva, j'ai envie d'en parler un peu, parce que c'est un ami personnel qui est en train de briller pour tous ceux qui le connaissent et qui se branchent par rapport à Facebook aussi, donc avec Brassens, un spectacle donc qui a eu lieu et qui se positionne de belle manière. Au départ, ils avaient lancé un peu les dés comme ça. Et ça se passe très très bien, ils ont eu un succès monstrueux. On fera un retour, je me suis mis en relation avec lui, il est très occupé, donc il va certainement revenir nous en parler prochainement. Par contre, si pour tous ceux qui connaissent Fabricio, bah, il faut savoir que dans il y a un restaurant, on fait jamais la publicité d'un établissement, mais là c'est un spectacle. Donc il y a un restaurant sur Mouscron qui s'appelle les Tapes de Bruel. Absolument. Donc le dimanche 20 novembre 2016, donc mettez dans vos petits agendas à partir de midi. Ça sera sur réservation. Écoutez bien, c'est sur réservation. Inutile de vous pointer là-bas. Ça, c'est un restaurant. Ça sera place assise avec restauration. Fabricio, en fait, va faire le show. Il va chanter en direct. Acoustique live pour le public de, je sais pas, il doit avoir 70-80 couverts. Donc justement, maniez-vous oui, d'appeler. Donc voilà, vous pouvez tout trouver sur la page de Fabricio Zeva, Z-E-V-A. Je donne pas les numéros de téléphone parce que bon voilà, on fait pas de Fabricio, la publicité. Fabricio, c'est vrai, Fabricio Zeva. Je fais pas de la publicité pour le restaurant, mais là pour le coup pour l'événement, donc ça se passe à Mouscron, c'est 240 rue de Menin, ça s'appelle les Tapes de Bruel, où ils ont fait aussi relayer cet événement. Donc n'hésitez pas à aller voir ce grand petit bonhomme avec une voix extraordinaire et très très très très attachant. Voilà. Ah bah ça va être génial. Une voix magnifique. J'ai parlé. Merci beaucoup. Bonne soirée. Non, non mais c'est vrai que ça va être ça. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, à part ça, Sherlock, quoi de neuf? Eh ben, moi, je voulais vous demander si... je suis toujours sur le truc d'Halloween. À Halloween, en 1926, il y a quelqu'un de très connu qui est décédé. Ouh. Est-ce que vous savez qui? Mais un indice... oui, enfin, il y a deux... Un indice... Le jour d'Halloween, mais ça a trait avec Halloween? Ou c'est un... Non, mais ça a trait, on va dire, avec la magie d'Halloween. Avec la magie d'Halloween. Enfin, surtout la magie en général. C'est un Irlandais? Je sais pas s'il était Irlandais. Non, tiens. Houdini? Ouais. Ah oui, c'est Houdini. C'était Harry Houdini. Harry Houdini est décédé le jour d'Halloween. Et alors, est-ce que vous savez pourquoi il est mort? Bah, d'un arrêt du cœur. Et non, même pas. Enfin, sûrement après, mais au départ, c'est d'une appendicite qui est... Alors, mais c'est tout con, c'est que quelques jours avant, en fait, il se targuait d'avoir des abdominaux en béton. Et il a demandé à des jeunes élèves de le taper au niveau de son ventre. Forcément, il a encaissé les coups. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait un boxeur dans un des élèves qui était là. Et il lui a mis un coup qui a déclenché une appendicite qui s'est transformée en péritonite. En péritonite. Oh, et il est décédé d'une péritonite le 31 octobre. Le 31, c'était le combien? Bah, le 31 octobre. Ouais, si, c'est ça, 31 octobre. Le 31 octobre, voilà. Waouh! En tout attendant, j'ai trouvé. Ouais, bah oui, très très bien. Ah, tu trouves tout le temps. D'abord, la prochaine fois qu'on fait un jeu, tu ne dis plus rien. Je sais que c'est Houdini, voilà. Mais voilà, j'ai entendu ça. Ouais. J'ai entendu ça il y a pas très longtemps. Je me suis dit, tiens, ça, c'est sympa cette petite anecdote. Bon, même s'il en est mort, c'est moins sympa, mais j'ai trouvé ça intéressant. Bah oui. Voilà, donc je voulais vous le partager. Bah, il en a fait, j'ai eu l'occasion, toi qui fais du cinéma, enfin toi qui parles souvent de cinéma et tout ça, il y a eu des films qui ont été faits sur sa carrière, des documentaires, après on l'a mis aussi sous forme de fiction, mais c'est vrai que c'était quand même un phénomène, je veux dire dans la musique, un jour il y a eu Mozart, il y a eu Beethoven et tout ça, et un jour dans la magie il y a eu Houdini, parce qu'il a quand même révolutionné le genre en allant chercher, si les films sont exacts, mais il est parti aux Indes, n'importe quoi, partout, à droite, en Égypte, etc., pour aller trouver des magies qui étaient un petit peu différentes. Il les a ramenées et remontées en fait des spectacles qui n'existaient absolument pas, dont deux, trois célèbres où il y a encore des gens aujourd'hui où le secret est gardé parce qu'on se dit, mais comment fait-il? Il y en a beaucoup qui ont fait exploser soi-disant les secrets et il y a de grands magiciens qui ont dit, ah, c'est donc ça le secret, bah allez percer le mien. Et le gars se libère encore de chaînes et tout ça dans l'eau alors que tu te dis, mais Houdini faisait, mais on sait. Mais là, il peut pas parce qu'il est attaché. Et le gars, on lui met un truc sous l'eau. Une minute après, il ressort à 300 mètres de l'autre côté, complètement habillé, alors qu'une heure, une minute avant, il était dans l'eau, attaché avec des chaînes, des fers, des menottes, des trucs, tout ça. Moi, ça me fait penser. Enfin, c'est des ambiances. On en reparlera tout à l'heure, à moins que quelqu'un veuille en parler. C'est de justement Fantasma Violine. Bah, Fantasia pourtant, chez les Ploucs, c'est un autre. Mais ça, je sais bien, mais il m'avait pas repris. Parce que je disais Fantasma, moi. Il m'a pas repris à un moment? Non, je pense pas. Ah, mais c'est pour ça que ça m'a... Je me dis, zut, je dis Fantasma, c'est Fantasia. Fantasma, non, c'est Fantasma Violine. Oui, bien sûr, d'accord. Donc un spectacle, et puis que mon ami Sherlock, après une pause musicale, pourrait nous en parler tout à l'heure. Non, ouais, puisque t'es devant Facebook et c'est devant ton nez. Ouais, donc, ok, ça marche. Et moi, vu mon âge, voilà. Oui, les yeux. Donc, on reçoit pas mal de commentaires, c'est aussi. Sûr. Moi, écoutez, merci d'être sur la page. N'hésitez pas à commenter. Voilà. Et on va se retrouver juste après une page, une plage musicale. Après une plage musicale avec Tina Turner et We Don't Need Another Hero. Très bien. Et Alan Parsons Project et High in the Sky. Très bien. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut faire des dédicaces à un moment, de choisir un morceau et tu fais ça? Ah ouais, si tu veux, si je l'ai, il n'y a pas de problème. Je vais t'en choisir là. Allez, c'est parti. Écoutez, 80 à l'heure, RQC, 95 FM, Legion of Imagination, you're listening to Illusion. Eh bien oui, vous êtes toujours sur RQC 95 FM. Alors nous avions, durant la coupure musicale, j'avais zappé ce DJ, j'avais déjà oublié, c'est donc Alan Parsons Project, High in the Sky. Et le deuxième titre qui est, ben ça y est, j'ai oublié. C'est formidable. Dina Turner. Dina Turner. Il était juste avant. La mamie du rock. We don't need another hero. We don't need another hero. Qui est avec quand même des... un phénomène, cette femme-là. Elle a ses guitares. Ouais. Elle les avait fait assurer, voilà. D'ailleurs. Hein. J'avais fait une chronique là-dessus. Je m'étais renseigné parce que ça me paraissait un peu gros. Il y a toujours des légendes comme ça. Et non, c'était un fait. Et c'est vrai que quand on la regarde, même pour le clip, en l'occurrence pour Mad Max 3, de We Don't Need Another Hero, de ses guitares. Ah, mais c'est. À la limite, il faut un escabeau, quoi. Enfin, bref. C'est inapplaçable. Non, mais sérieux, bah oui, ouais. C'est vrai qu'avec ton 1m55, les bras levés, toi, il faut un escabeau. Et maintenant, je vais dire ce que Coluche a dit, la bonne taille, c'est quand les pieds touchent par terre. Donc, désolé, c'est ça. Voilà. C'est vrai que cette femme, ça fait. Bon, par contre, le fait de sentir des pieds de la bouche, c'est pas gênant? Bah écoute, ça va, je le vis bien. C'est pour ça que je mange du chewing-gum. Ouais. Vous êtes pas sympa. Non, 1m73 le gaillard quand même. Hein. Bon. Bon, les suceurs d'orteils. Non. Merci. Voilà. Bah, pas de temps en temps, les orteils. Si, un orteil, c'est bien hein. Aussi. Ah, ouais, oui. C'est bien, ouais. Faudra que j'en parle. Il y a plutôt là. On sait jamais, il y a peut-être des auditeurs, auditrices qui nous écoutent, qui aiment bien les orteils. Hein, bah, et puis c'était un long week-end quand même, il faut bien c'est finir. Vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et quel rapport entre le week-end pas mal et les orteils, tu peux m'expliquer? Ah ben, bah, on t'expliquera un jour, Flic 4. Bah, parce que c'est la fête des morts, donc les croque-morts. Oui, les croque-morts, oui. Croquer, absolument, les orteils, c'est vrai. Est-ce que vous savez pourquoi maintenant on les appelle les pompes funèbres? Oh non. Bon, pitié. Vous êtes toujours dans l'émission 80. J'avais une petite vanne là-dessus, mais je vais me. Moi, j'en avais une, mais elle ne plaît pas non plus. Alors, on sait que tu as une petite vanne qui plaît. Non, c'était. Enfin, bref. Je vous la dirai hors antenne. Oui, c'est mieux. Ah, mais non, c'est pas drôle. Bah, non. Ah, bon, bah, ok. Donc, c'est un mec. D'origine maghrébine qui rentre dans un salon de pompes funèbres et puis qui fait « Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous auriez de la vaseline ?» Alors le type dit « Bah non, excusez-moi, mais on est des pompes funèbres, ici on n'a pas de vaseline. » Il fait « Non, mais je voudrais de la vaseline. » Il dit « Mais on n'a pas de vaseline du tout. » Il fait « Non, mais c'est de la publicité mensongère, alors. » Il dit « Pourquoi ça ?» Il fait « Ben, sur votre devanture, il y a noté tout pour les obsèques. » Oh non! Et ouais, donc voilà. Ouais. On craigne le pire. Oh mon dieu! C'est comme le mec, la première fois qu'il va homéopathie, il fait homéopathie, pauvre Juliette. Ouais. Bon, vous êtes toujours sur RTL. C'était les grosses têtes. Donc, revenons à l'actualité. Donc, Flipcat, tu voulais nous dire quoi? Sur l'actualité, bah écoute, non, l'actualité, bon, de mon côté, il y en a, mais j'ai pas forcément, a priori, ce qui pourrait vous intéresser, quoi. Non, c'est... Bah si, parle-en quand même. Moi, je trouve ça chouette. Ouais, puisqu'on insiste, on va quand même... On n'a pas dû insister beaucoup, quand même. On nous a mis des flyers, enfin, alors, J'ai mis, voilà. Alors, tu vas nous en parler, les auditeurs, ils veulent savoir. Eh bien, j'ai organisé avec des amis et mon beau-frère qui tient le Relais 59. Alors, le Relais 59, c'est une association, c'est un bar de motards qui se trouve à l'ERS, à deux pas de la déchetterie. Et on a organisé donc pour le 26 novembre. C'est très vendeur, ça. Ouais. C'est vrai. C'est très vendeur. Près de la déchetterie. C'est un super bar. Ouais. À 2 minutes de la déchetterie. De toute façon, quand vous allez voir l'ambiance et les mecs. Bah, disons, vu l'état de certains, quand ils sortent de là. Bonjour, monsieur, je vais pour la soirée. Non, monsieur, ici, c'est la déchetterie. Non, mais pour les gens que ça intéresse, éventuellement, oui, je mettrai une copie du flyers. Alors, donc, c'est le samedi 26 novembre à partir de 20h, hein, l'entrée est gratos. J'ai des amis qui vont jouer, donc, qui s'appellent les Lucky Devils, qui jouent depuis 15 ans maintenant. Donc, pour faire un petit concert ce soir-là. Alors, venez nombreux, c'est gratos, c'est les bières à prix démocratique, puisqu'il s'agit d'une association. Ah, bah, tu voilà. vois qu'il faut donc, en parler, c'est chouette. C'est à l'air, ça s'appelle le Relais 59, l'entrée est gratuite, ouais. voilà. C'est quoi d'une. Alors, je vois alors, Néo ouais, Rockabilly. Petite précision. Bah, nouveau Rockabilly, mais c'est. Néo Rockabilly, c'est du Rockabilly avec un son un peu plus moderne, comme les Stray Cats l'avaient fait en 81 en arrivant sur le marché musical, on va dire, ouais. en remettant au goût du jour un style qui devenait désuet, en fait, tout simplement. D'accord. Mais pas en respectant un son purement 50s, voilà. Et Psychobilly, c'est un petit peu, ben, c'est un style qui est venu droit de Grande-Bretagne, milieu 80. Psychobillies. C'est le rockabilly joué un petit peu plus rapidement. Alors bon, ils vont nous jouer des standards qui font partie. Quand même, ouais. Pardon. Ils vont faire quelques reprises aussi. Alors justement, ce que j'allais dire sur leur quatrième album, ils ont donc fait quelques covers, des reprises entre autres de Nirvana, un morceau qui. Ah bon. Oui, ouais, voilà, Nirvana, ça va être chouette. Blondie avec Call Me, du Madness également et du Stray Cats. Tout ça en rockab. En Rockham, Néo-Rockham et Psychobilly. Ah, c'est bien. Voilà. Bah ça, voilà, ça, sur les mecs qui tiennent la route, ça fait 15 ans qu'ils jouent. Ils ont fait plusieurs festivals dans le style, bien entendu, hein, de musique. Et, notamment Pina del Mar. C'est un festival qui a lieu en Espagne chaque été, qui dure 5 jours et qui prend une ampleur, c'est mondial. C'est, bon. Voilà. Ah bah, tu vois que c'est sympa. Il y a un événement Facebook qui est créé ou c'est... Ah, j'ai déjà balancé depuis 15 jours, depuis le 8 octobre, j'ai balancé. Ouais, mais les gens le retrouvent comment? Ils taffent quoi? Relais, ah bah moi, je vais le relier à ce moment-là sur la page de 80 à l'heure s'ils le veulent, oui, il n'y a pas de souci. Voilà, donc et qui me contactent s'ils veulent plus d'infos, j'ai mis l'adresse. Si vous êtes rockable, donc voilà, sur l'ERS le samedi 26 novembre. Et à savoir que relais. Tout le monde, je veux dire, c'est quand même rockable. Oui, essentiellement. C'est du rockable. Mais pourquoi pas, puisque bon, on a déjà. Association de motards, rockabilly, c'est vrai que les gens qui arrivent là, vous aurez pas la fanfare cycliste des mercredis. C'est, ouais, voilà. Le Fanta ne coule pas à flot, mais le reste, si. Oui, mais. Non, mais c'est dommage, tout le monde est bienvenu, ouais, voilà. avec ou sans moto, et franchement. Il y a une bonne ambiance en général, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Moi, si je fais ça avec ma cacahuète. Hein. Ouais. Non, mais tu l'as bien vu. Oui, moi, j'ai toujours avec ma cacahuète. C'est les motards qui vont t'entendre. Si tu veux ta cacahuète. Non, mais si vous voulez, ben, je le relayerai. Oui, je le relayerai par long plaisir et ce sera, à mon avis, à la plus grande satisfaction de mon pote Phil, le guitariste. Et vous avez. Alors, le pote Phil, guitariste, il lui dira de ma part quand tu le vois, c'est qu'il a quand même un physique qui ressemble. Vous connaissez l'émission Nos chers voisins? Oui, le mec qui fait beau gosse. Le mec qui fait beau gosse. Celui qui est avec la brune. C'est impressionnant, ouais. Je croyais que c'était un. Gilles Alma. Un sosie, oui, voilà. Oui, c'est ça. Il a d'entrée le look, donc bah, les filles en même temps, il a une très très grosse et très longue guitare. Oh là, donc, allez-y. Voilà, donc c'est le 26 voilà. novembre, merci. Relais 59 à l'ERS. Bah, merci Flipcat. Okay. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? On va arriver tranquillement. On va peut-être se faire une petite pause musicale. Oui, bien sûr. Bah alors tu voulais me demander une dédicace. Attends, tout à l'heure. Excuse-moi, je vais t'interrompre peut-être dans la continuité justement si vous vas-y, voulez. Vas-y. Il va y avoir donc ici à deux pas, ici à Moucron, au bout du boulevard des Alliés, le Cars and Burgers, qui est une édition mensuelle. Ça commence à partir de 10h, c'est au bout du rond-point des Alliés. Oui. Voyez où. À partir de 10h quand ce soir. À partir de dimanche prochain. à partir de 10h du matin, pardon. Et d'habitude, ça se termine aux alentours de 13h. Cette fois-ci, ce sera jusqu'à 18h. Il y aura 4 groupes également, des voitures américaines, des motos. Ah, c'est toujours dans le trip. Et des burgers. C'est le Cars and Burgers, si vous voulez. Je relayerai également l'événement sur la page pour les gens que ça intéresse. Oui. Et c'est gratos aussi, bon, à part pour la restauration. Dimanche-ci, alors Le 6. Ah ouais, donc c'est dimanche qui arrive. Bon. Bah, c'est excellent. Comme ça, bah, voilà, pour les gens du secteur, je pense que c'est l'occasion de découvrir... Après, il y a d'autres trucs, mais c'est beaucoup plus loin. Les autres soirs aussi, mais aujourd'hui plus. Pas tous les soirs, moi. Dédicace. Bah oui, tu me parlais de... I feel love. Alors, je sais pas, Communards, machin... Donna Summer, mais plutôt version Communards ou Jimmy Somerville. I feel love. C'est vrai que l'original, c'est quand même Donna Summer. C'est années 80, I feel love. Ah, celle de Donna Summer est d'avant, elle est de 77. D'avant, mais de... 77. Voilà. Yes. Je l'ai pas dans les Communards. T'as pas dans les Communards. Jimmy Somerville. Attends, ah bon, c'est plus loin, ça. Si on... Ouais, voilà, faut le temps qu'il s'arrête. C'est plus loin. Vous voyez, Sherlock en train de, avec son faire dérouler le menu. Dérouler le menu, etc. C'est ça, mais on a même pas un clavier où on tape Somerville. Non, même pas, non. Ah oui, d'accord, là, ça va être compliqué. Donc, j'appelle la technique à la rescousse. C'est vrai que ce serait un truc à rajouter, ça. Voilà. Que je puisse taper directement. Mais je pense qu'il y a moyen de rentrer le clavier. Absolument, absolument. Donc, tu as trouvé à Feel the Love de Donna Summer, non? Tu m'as pas. Ah ouais, mais maintenant tu me dis. Bon, Donna Summer, faut que je retrouve dans les. Je rappelle à nos auditeurs, ça, auditeurs. Ça, je l'ai, oui. Ça, je l'ai. Ils sont toujours bien sur RQC. Donc, hein, spécial dédicace à toi. À Take moi on me. Ouais, à toi. C'est, toi. C'est par toi. Rapport à tout à l'heure. Absolument. Ouh là là là. C'est pour tout ce que tu m'as fait. Eh ben, écoute, moi j'étais parti justement sur un Bronski Beat avec Why. Ouais, ouais. Après, Bronski Beat après la Vaseline. C'est ça, ouais. Voilà. Bronski Beat avec Why et ensuite donc AA avec Take on Me. Merci. Allez, c'est parti. Tempted in eyes when it's down to remember, to remember, to remember. Oui, je sais pas ce que je chante parce que voilà. J'ai même pas le casque. Et voilà, c'est pour ça que je... Donc, voilà, donc peu... non, c'était la petite dédicace de cette là. Bah, je voulais la donc dédicacer. C'était Blonsky Beat et Marc Almond qui chantaient I Feel Absolument. Love. C'est une chanson pour moi qui a vraiment beaucoup d'importance. Et... Non, mais très sincèrement, c'est la chanson, ma chanson depuis des années. C'est comme ça. Non, c'est vraiment. Non, mais on a voilà, et je voulais la dédicacer à toi. C'est gentil. Mais je t'en prie, je voulais la dédicacer à toi et parce que c'est vraiment une chanson qui, voilà, qui me touche énormément. Donc je toi aussi tu me toi. Touches, mais il faudrait que tu retires ton doigt. Non, lui quand il... non, la différence, lui quand il écoute, il se touche, c'est pas pareil. Ah, d'accord. Je sais que ça paraît petit, mais c'est pas mon doigt. Donc voilà, vous êtes toujours, bah, vous le savez, vous avez bien compris dans l'émission 80 à l'heure. On espère que vous passez une bonne soirée. Donc on est en compagnie de Flicata. Et oui, bonsoir à tous. De la belle Onissa. Bonsoir à tous et merci à Valérie pour ton message, ça m'a touché. C'est vrai, oui, absolument. Comme quoi, une touche féminine avec ton dynamisme et ta joie, ta bonne humeur. Elle a pas vu ta gueule. Oui, voilà. C'est ça qui sauve. C'était super. On est aussi en compagnie du beau. Enfin, beau. Sympa. Le mec au t-shirt, Sherlock. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oui, ouais, j'ai toujours des t-shirts un peu spéciaux. Enfin, j'essaye d'être rigolo, moi, dans mes t-shirts. Absolument. Alors, non, t'as vraiment un super t-shirt et j'ai pris une photo et je vous propose de le mettre sur le site 80 à l'heure. Mais les filles, ici, on reste pas gratis. Il faut qu'on trouve quelque chose pour que je mette la photo. Parce que c'est les filles qui vont vouloir voir ton torse velu, mais mon corps d'athlète. Ton corps d'athlète. Non, bon, j'ai un physique de radio. C'est pour ça que t'as des boutons sur la tronche. C'est ça. Ouais. Tu veux que je mette les pieds en l'air? Ça a l'air sorti de la photo. Donc non, Sherlock a un super t-shirt. C'est sur la thématique des lapins qui sucent les canards. Et si vous voulez voir ce t-shirt, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme il faut un jeu magnifique. Manifestez-vous, voilà, les filles. Déchirez-vous, votez. Je veux voir le t-shirt de Sherlock. Voilà. Ah, d'accord, bah ici, quand je mets de l'ambiance, ici, c'est un grand moment. Mais ici. Bon, en fait, je me tais. Non, bah, écoute, bah, moi, ce que je te propose, c'est ça. Non, merci. Non, merde. Non, de Zeus, Canon. Oui. Parce qu'il n'y a pas Harry. Mais Canon, montons vite dans la DeLorean. Ah ouais. Et remontons jusqu'à l'année 1983. Je peux retirer mon doigt maintenant. Vas-y. Ah non. Les mains sur le volant. Ah, merci. Donc oui, c'est la chronique Ciné Rétro 80 où j'ai vu un film des années 80 cette semaine et je vais essayer de vous le faire deviner. Bon, Onissa, essaye de suivre. Ouais, ils m'ont traité de quiche, ils ne croient pas. Oh là là. Bah écoute, c'est une réalité. Mais fais un effort. Donc, je participe déjà. Ouais. Alors, donc c'est un film qui est sorti le 1er juin 1983. Ça mercredi. Vous dire... Oui, c'est ça. Yeah, bien, très très bien. Je vois que tu suis. Ah, tu vois quand même. Déjà, je suis ouais. Attentif, je suis nul. Donc, elle fuit. Ouais. J'ai au moins une. Alors, je vais vous donner le titre anglais, mais ça va peut-être rien vous dire. Ah, peut-être à Flipkat. Oui. Alors, le titre anglais, c'est Merry Christmas, Mr. Lawrence. Hein? Oh! Voilà. Dedans. Ça y est, Canon commence. Hein, mais je me suis douté que toi, ça aurait si pu je te parler. Si une expression. Non? Si je te dis une expression. Alors, c'est comment? J'ai passé l'âge de ces conneries. Pas du tout. Oui, yes! Donc, d'accord. Pas du tout, c'est pas ça. Ah, tu pensais l'arme fatale? Oui. Non, c'est pas ça. D'accord, je croyais que c'était sa traduction en anglais. Non. Alors, je vais vous passer un premier extrait. C'est un extrait de dialogue. Écoutez bien. Voilà, est-ce que... Oh mon Dieu. Alors, je me suis dit, je vais les avoir avec ça. Faudra peut-être traduire, hein. c'est du japonais, donc. Hein. C'est ça, c'est du japonais. Qui en japonais ouais. Littéraire, faut dire, qu'est-ce que tu nous fais bouffer ce soir pour encore tes nouilles santé, fichier. Voilà. Est-ce qu'il y a un acteur... C'est du japonais. Black. Alors, dedans... Non, bah, si tu sais pas, non. Non, j'en ai c'est pas les vu. C'est les deux non, acteurs non. principaux. Ah non, pas non, du tout. Donc, non, ok, c'est pas... Pas du tout, non, il ça est pas... Ça n'est pas Wesley Snipes et Sean Connery. Non, c'est pas Soleil Levant. Voilà. Parce que c'est à ça que tu voulais faire référence. Je me dis, mais Soleil Levant, je crois que c'est début 90. Je sais plus trop, mais il me semble. Je me dis, ça attaque en japonais. Donc Soleil Levant, ça doit être 93, il me semble. D'accord, la culture, tu sais. À mercredi. Ouais, bah oui. Là, je vais pas trop me mouiller en disant ça. Voilà. Alors, il faut savoir que le film a fait 1 582 183 entrées au box-office français. Bah, c'est déjà pas mal, oui, c'est honorable. Pas mal, oui. Il a reçu un BAFTA Awards, donc c'est les Awards anglais. Et 7 nominations à Cannes. Waouh. Oui. Donc c'est quand même pas mal, cette nomination. Bon, même bah s'il n'a pas été, s'il a pas été choisi à la fin. Alors je vais vous donner quelques noms d'acteurs. Il y a par exemple Ryunosuke Kaneda, James Malcolm, Alistair Browning, Johnny Okura, Takeshi Kitano, qui est connu celui-là. Takeshi Kitano, oui, c'est celui qui a fait Battle Royale par exemple. Oui, absolument, Tora. Quand il était jeune. Si. Oui, il me semble. Oui, si, bien sûr. Aniki, mon frère également. Il y a Aniki ton frère aussi. Mais non. Ah, dis donc. Il est vraiment mais ça reste en famille, c'est quand tout bien, tout honneur. Ah, je crois que c'est un acteur réputé, moi. Ensuite, il y a eu. Et lui a tout mis. Ryuichi Sakamoto. Ouais. Et Jack Thompson. Ça, c'est pour. J'ai toujours aimé le Sakamoto. Et Ryuichi Sakamoto, c'est l'un des acteurs principaux. Hein. Ouais. Alors. Je vais vous donner un deuxième extrait. Vas-y. Là, c'est une chanson. Ouais, vas-y. Écoutez bien. J'ai une idée. C'est une musique du film. Le mec qui fait sa chronique, il dit ça, c'est une musique du film. C'est au cas où il t'aurait mis une musique d'un autre film pour trouver, quoi. Donc c'est une musique du film. Alors, musique qui est de Ryuichi Sakamoto. Donc l'un des acteurs principaux. Est-ce qu'on a monsieur, un acteur principal dont le fils est un très très grand acteur aussi? Non, mais si tu me dis non, c'est je que pense tu sais pas. Non, ça me dit rien du Douglas. Tout. Non, pas du tout. Alors, c'est un film de Nagisa Oshima. Alors, ça te parle là peut-être. Ah oui. Un peu plus. Bon, alors attends, on va mettre un autre extrait. C'est celui-ci. J'ordonne à tous les prisonniers, et cela est valable pour tous, de ne pas sortir dans les champs, ni aujourd'hui ni demain. Il n'y aura pas de travail. Vous devrez tous rester à l'intérieur de vos baraquements pendant 48 heures et respecter le gyo. Vous observerez le gyo pendant 48 heures. Personne ne mangera ni ne boira. Est-ce que c'est clair? Alors, est-ce que on peut dire que il s'appelle Ziggy? Oui. Très bien. Ouais, bah voilà. Très bien. J'y crois pas. Ziggy s'appelle Ziggy. Oui. D'accord. Alors, absolument. Et c'est beaucoup plus court en français. Ah oui, beaucoup plus court. Oui, hein. Oui. Ouais, c'est le titre n'est pas Merry Christmas Mr. Lawrence, mais c'est un autre titre si en français. Par contre, si je fais tong tong tong tong tong. Oui, bah t'inquiète, je vais le passer après. Alors il faut t'inquiète, tout va bien. T'as pas encore Alors, écoutez bien parce que là je vais vous passer le fameux extrait de Merry Christmas Mr. Lawrence. Ah là, j'en reviens pas. Celui-ci. Lawrence. Father Christmas. ご存知かな? Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Koya, watashi. Father Christmas. Watashi. Father Christmas. Father Christmas. Il dit qu'il est le Père Noël. Laurence! Joyeux Noël. Joyeux Noël, Monsieur Laurence. Voilà, donc Joyeux Noël, Monsieur Laurence. Ah bah là, et le début en fait de l'extrait, c'était en japonais. C'était donc Takeshi Kitano, oui. Qui se fait appeler Takeshi dans le film, enfin dans le générique. Et tu peux nous ressortir la réplique en japonais? Ah, t'as pas pris ton texte. Non, parce qu'il le dit en français, enfin en anglais. Il dit Father Christmas. Mais avec un accent japonais, forcément. Gitano, ouais. Donc Takeshi, il se prend, en fait, c'est un moment où Takeshi a beaucoup bu, c'est le soir de Noël, et il demande donc à un des prisonniers, donc qui s'appelle Mr. Lawrence, John Lawrence, de venir, et donc Il lui dit c'est moi le Père Noël, vous êtes libre de retourner dans votre cellule, parce qu'il était un peu au trou en fait. Donc là il lui dit voilà, vous pouvez repartir, c'est moi le Père Noël. Alors chers auditeurs, si vous nous écoutez, est-ce que vous avez une idée? Alors moi je peux vous dire qu'il y a grand acteur dedans qui est une star de la pop qui nous a quitté il y a peu avec des yeux verrons. Voilà, si ça parle tout ça. Et il y a une chanson, il s'appelait Ziggy. Ziggy, il s'appelle Ziggy et qui a rapport avec ce grand personnage. C'est ça. Voilà. Alors, et donc je vais vous passer la musique du film, le thème du film. Excuse-moi, et je vais donc vous donner son premier nom. Ça vient de là juste. Ah, c'est ça que tu voulais dire. Ziggy, ça vient de là en fait. Ouais. Et donc je vais vous passer la musique du film et je vais vous donner le pitch du film en même temps. Bien sûr. Alors. Donc ça se passe sur l'île de Java en 1942 dans un camp de prisonniers américain qui est dirigé par le capitaine Yonoi, qui est un chef japonais à la poigne de fer. À la crainte et au mépris qu'éprouvent les prisonniers et les subalternes du capitaine à l'endroit de ce dernier, s'oppose la résistance étonnante d'un soldat anglais, Jake Sellers. Et donc face à son attitude provocante, Yonoi devient de plus en plus sévère dans le but de faire plier le rebelle. Mais il y a aussi une sorte de fascination qui se crée par rapport à ce prisonnier qui est donc joué par David Bowie. Avec une connotation, enfin moi je trouve il y a presque une connotation en sous-jacente homosexuelle. C'est ça, de ouais. C'est bien ce que j'ai ressenti aussi. On sent rien dedans, mais il y a un peu cette connotation quand même d'un beau film, parce que David Bowie était à voile et à vapeur et selon le sens du vent. Et c'est vrai que le film a été fait. Non, c'était pas le. Il disait lui-même, hein, et c'est un film très très beau, très très pur. Oui. Et est-ce que tu vas en dire le titre pour les oui. auditeurs? Oui, justement, je vais te poser la question, pourquoi ce titre-là en français? Alors justement, donc, le titre c'est Furio. Furio. Furio, et donc Furio, ça signifie prisonnier de guerre en japonais. Ah voilà. Ah, donc voilà pourquoi. Alors le titre d'origine c'est Merry Christmas, Mr. Lawrence, parce que donc il y a un des acteurs qui est joué par Tom Conti qui s'appelle John Lawrence, et donc comme on a entendu la réplique d'avant, c'est le sergent qui lui dit Merry Christmas, Mr. Lawrence. Voilà pourquoi ils ont gardé cette réplique-là pour le titre à l'international, sauf le titre français où ils ont pris Furio. Oui, mais à la limite, pour une fois, c'est recherché, parce qu'à des fois, les titres français qui sont donnés n'ont rien à voir avec en traduction. C'est vrai. Et complètement à côté de la plaque. Alors, il faut savoir que l'histoire de Furio se déroule essentiellement dans un camp de prisonniers de guerre à Java, en Indonésie, durant l'année 42, en pleine Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que le décor a été entièrement reconstitué pour les besoins du film. Nagisa Oshima, donc le réalisateur, souhaitait que les acteurs retrouvent l'ambiance des camps de l'époque, afin qu'ils puissent adapter leur manière de jouer au décor. Donc c'est pas juste des petites scénettes qu'on voit, il y a vraiment refait complètement un camp pour dire que les acteurs se croient vraiment dans un camp de prisonniers. Et c'est pas mal comme film en plus, hein. Oui, il est bien fait. Il dure quand même 2 heures, donc c'est un peu long pour l'époque, parce que c'était des films d'une heure et demie souvent dans les années 80. Donc celui-là était cassé un petit peu les codes et il allait un peu plus loin, et c'est une lecture un peu lente aussi du film. Oui. Mais j'ai bien aimé. Bowie est très bon là-dedans. Oui. À mon humble avis, j'ai découvert, parce que Bowie, je l'avais vu dans d'autres trucs. Là, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Ouais. Le film part vraiment sur un truc émotionnel assez complexe. Alors, il faut savoir que le film s'est inspiré de la véritable. Non, mais non. je suis d'accord avec toi. Harry il m'aurait dit, ouais, t'as raison, même s'il l'avait pas vu. Mais... oui, voilà. Moins, on aurait été deux, quoi. Donc, voilà. Il faut savoir que le film s'est inspiré d'une histoire vraie, donc de Lawrence van der Post, qui a vécu l'expérience atroce des camps de prisonniers et qui en a fait un roman publié sous le titre The Seed and the Sower. Sower, je sais pas, S-O-W-E-R, je sais pas comment ça se prononce. C'est les sowers, c'est les sur le côté des routes là, les fossés, oui. D'accord. Ah, je croyais que c'était Ditch, moi. Aussi. Mais c'est d'accord. C'est comme les égouts. En et fait, donc, qui est sorti en 1963. Et donc, le titre que j'ai passé tout à l'heure, celui-ci. Attendez, hop. Celui-ci. Ah, ça. Donc celui-ci, donc qui a été fait par Ryuichi Sakamoto, s'appelle The Seed and the Sewer. D'accord. Oui, d'accord. Voilà, en référence. Ouais, bah ouais. Bon, j'ai, après, j'ai pas pris non plus les plus faciles au début. Après, je suppose que voilà, on est presque sur de la musique d'ambiance et je suppose qu'il s'est passé une scène à ce moment-là. Puis c'était. Ouais. Pas dans. C'est une sorte d'interlude en fait, ouais. Mais. Parce qu'il y a des trucs pas sympas dans le film. Hein, c'est un film un peu dur. Hein. C'est pas évident. Alors, le casting de Furio a accueilli deux chanteurs compositeurs de renom, donc David Bowie et Ryuichi Sakamoto, qui était à l'époque leader du groupe Yellow Magic Orchestra, donc c'était un groupe japonais, donc pour interpréter respectivement le major Jack Strafford Sailors et le capitaine Yonoi. L'artiste japonais apparaît ici pour la toute première fois au cinéma. Il faut savoir que... C'est son premier film ? Ouais, c'est son premier film pour Ryuichi Sakamoto, hein, pas pour David Bowie. Hein. Non, mais pour lui, je vois très bien l'acteur. Japonais, c'était son premier film. Qui a joué après dans des films de manière régulière. Je veux dire, c'est un bon acteur. Oui, il a rejoué dans des films. Oui, tout à fait. Tom Conti, qui campe donc le colonel John Lawrence dans Furio, devait parler couramment japonais pour certaines scènes. Donc la première scène que je vous ai passée, on l'entendait parler. Forcément, je l'ai fait un peu exprès pour vous enduire d'erreurs. Oh, c'est beau. Ouais. C'est à ce moment-là. Donc le problème, par contre, c'était qu'il ne parlait pas un mot de japonais. C'est pourquoi l'acteur a appris les dialogues de façon phonétique. Ah bah oui. Tous ces dialogues en japonais. Ouais. Mais ça marche bien. Hein. Moi, j'ai des textes, je prends en phonétique des trucs italiens. Ouais, marche bien. Mike Brandt chantait en phonétique. Faut savoir qu'il parlait pas un mot de français. Stéphane Escher, pareil, hein, chantait en phonétique aussi. Il faut savoir que pour Stéphane Escher. Stéphane Escher chantait en phonétique. Il est suisse. Il est suisse et il parlait le romanche, il parlait pas le français. Ah bon ? Ouais. Ah bah tu me souffles. Mireille Mathieu chante en japonais. Hein. Elle a un très bon public sans déconner. Hein. Mais je connais deux personnes qui font des études qui apprennent le japonais. J'ai une jeune voisine qui est partie un an au Japon. Il faut considérer qu'il faut au moins un an et demi en travaillant assidûment pouvoir. Oui. Mon fils fait du japonais depuis 7 ans. Il est arrivé là-bas. Il dit j'avais l'impression que je n'avais pas parlé. Ils n'ont pas d'alphabet en fait. Hein, c'est sont des sons en fait. Hein, C'est des hiragana, des katakana. Voilà. C'est des idéogrammes. Le parler. Et un accent change ce qui peut être chez nous une lettre. Ouais. Ça change le son et la signification. Exact. C'est beau cette musique. Alors, ensuite, j'ai réussi à choper quelques petites anecdotes. Donc, Ara, personnage à la fois jovial et cruel, donc qui est joué par Takeshi Kitano, et qui symbolise donc le peuple, à l'époque n'était qu'un comique populaire au Japon. Takeshi Kitano était un comique à la base. D'accord. Il se faisait appeler Beat Takeshi. Non, B-E-A-T. Il formait en fait un duo à la base, les Beat Brothers, je crois, ou un truc comme ça. Beat Brothers. C'était un comique à la base, et c'est Nagisa Oshima qui lui a donné l'un de ses premiers rôles également, on va dire sérieux, qui lui a ensuite ouvert les portes de films plus sérieux. Comme Tora ou Tora pas non, Battle reviens, Royale. Non, je reviens sur Tora Tora. Non, c'est pas possible parce que si tu me dis que le premier film c'était Furio, je me trompe. Je me trompe d'acteur. Mais par contre, je vois très bien qui il est. Et sauf erreur, il a joué un amiral dans la bataille de Pearl Harbor. Il a joué Midway. Pearl Harbor, le film un peu plus récent, il y a 6 ans de ça. Ah. Et il joue l'amiral. Je pense que c'est lui, mais il a bien vieilli, évidemment. C'est 25 ans après. Hein. Ensuite, David Bowie, qui interprète Sailors, avait refusé de composer la bande-son pour pouvoir rester crédible en tant qu'acteur. Donc Oshima était convaincu que Bowie était l'acteur, donc l'ange qu'il lui fallait, en voyant celui-ci interpréter Joseph Merrick, alias Elephant Man, sur les planches d'un théâtre de Broadway en 1980. D'accord. Donc c'est par rapport à son rôle au théâtre qu'il s'est dit tiens c'est lui qu'il me faut pour ce film. Ah tu vois comme quoi. Mais c'est vrai que Bowie pour revenir, enfin bon voilà c'est encore je l'ai trouvé vachement crédible. J'ai eu l'occasion de le revoir 2-3 fois ce film. Et il vieillit pas parce que c'est un très très très très beau film. Enfin très beau, oui. Ça montrait quand même la rudesse des camps. Hein, ouais. Non, c'est du vécu, quoi. Donc, c'est... Ah ouais, ouais, non. Puis les Japonais, il disait des Vietnamiens au Vietnam, soi-disant, il y en a plein qui ont ramassé. C'est vrai que ça a été terrible, mais les Japonais ont fait subir aux prisonniers des trucs pas possibles. Ah oui, oui, c'était... Des trucs pas possibles. Donc voilà, bah, merci beaucoup pour cette chronique. Alors, ça me ramène, je vous en prie. Je pense qu'il y en avait qui avait trouvé, hein, ce Valérie notamment, ouais. Qui dit j'aurais pu répondre Louis de Funès, ça revenait, c'était pareil. On est tellement vif apparemment dans, bah, écoute, pour valider les. Ah ouais, non, mais Valérie, on peut pas valider parce que nous sommes une émission en direct où nous ne nous regardons pas Facebook tout le temps. Non, non, mais c'est parce que c'est vrai surtout quand c'est toi. On demande quand même à nos auditeurs de participer. Ah oui, donc oui, c'est sûr. Bah, participer, on regardera ça demain. Bah écoute. Bah non, mais écoute, je ne l'ai pas vu, et cependant, Non, mais elle a dû l'effacer. Ouais, ah, ouais. Peut-être. Mais de toute façon, elle sait que dès qu'elle parle, on efface ses commentaires. Ah oui, d'accord. Non, non, c'est parce qu'elle l'a mis elle l'a mis en commentaire dans son post de tout à l'heure où elle parlait d'Onissa. Donc, forcément, je le vois pas forcément à ce moment-là. Non, on le répète à tout le monde. C'est vrai que apparaître sur la page, mais on essaye de commenter. Mais d'un autre côté, c'est vrai que comme on est en émission directe, on a la page Facebook ouverte. Mais voilà, on peut pas toujours. Faut la rafraîchir. Il faut le préciser. Nous, on voit pas les messages systématiquement. Comme on est des animateurs, on peut pas répondre en flux à ce que vous mettez, mais on écoute, on regarde et puis merci de participer. Donc voilà, c'est toujours agréable. Merci, voilà, voilà. J'adore. Bah, tiens, Onissa, prends, puisque t'as le micro, oui. Je vais te le laisser. Et alors ? Bah, tu te débrouilles. C'est en direct. Alors, comme d'habitude, je n'ai auditeurs. Pas trouvé le titre du film. Par contre. Ça m'interpelle, quoi. J'aimerais bien aller le voir, quand même. Eh ben, écoute, à partir de demain, sur la page 80 à l'heure... Non, mais par contre, à chaque fois, Sherlock, il est mis quand même sur ouais, la page. Oui, alors, d'y aller le voir. Sur la page 80 à l'heure et sur ma page animateur, donc Sherlock, vous pourrez aller trouver le lien pendant 7 jours. 7 oh, ouais, 7 jours pendant une semaine, donc jusque mardi prochain, ouais. Vous pourrez le reprendre. Moi, ensuite, on passera au... Ouais, bah, franchement, je vais regarder à nouveau, ouais. Ouais. Franchement, j'ai bien aimé le film. Ça moi, je l'avais jamais vu. J'en avais entendu parler. Je l'avais jamais vu. Et c'est vrai que bon, il y a quelques lenteurs forcément, ouais, mais je l'ai trouvé très bien. Vraiment beau, contemplatif et tout ça. Même si c'est dans un camp de réfugiés, enfin un camp de prisonniers. Ouais, bon, pas de réfugiés, c'est parce que c'est l'actualité en ce moment. C'est l'actualité, oui. Non, on dit migrants. Oui. Mais j'ai trouvé très très bien fait, très très bien filmé, franchement. Et puis moi j'aime bien quand ça, allez, c'est tiré d'une histoire vraie, oui. Quoi. Ça prend une autre dimension, je trouve. Tout à fait. Oui, voilà. Et toi, tu l'as vu ? Oui, il y a quelques temps, et c'est vrai que ça me donne envie de le redécouvrir, parce qu'il y a des passages, notamment le passage musical, là, donc ça, par contre, je me souviens pas du tout. Tu l'aurais passé comme ça, sans me dire ce que c'était, j'aurais pas fait le rapprochement. Ouais. Par contre, les autres titres, oui, effectivement, de la BO, oui, y a pas de problème. Et le premier passage où il parle en japonais Ça me parlait pas, sur le coup, ça reste... Et j'étais pas trop sûr si j'essaie de... Pour te dire, en gros, dans les dialogues, il disait « Et lui, il est pédé ?» Parce qu'il parlait d'un soldat néerlandais qui s'était fait... Par un soldat coréen. Ouais, tout à fait. Ah oui, oui, non, mais voilà. Mais c'est ça, hein, j'ai pas l'habitude du japonais, donc tu vois, entre. Qui s'était fait un peu violer par un soldat coréen, en fait. Et lui sauter, il y a une confusion, j'ai ouais, pas ouais, c'est un, ça. Voilà. Alors, les petits indices, pourquoi bleu vert? Bah oui, il avait les yeux verrons, il avait deux couleurs de yeux. Oui, qu'on disait Ziggy, il s'appelle Ziggy, c'était une chanson, en fait, qui avait été faite par rapport à la chanson de Ziggy, qui était en fait Ziggy Stardust, ouais. Hein, qui était ouais. En fait. Et tout le monde confond avec Ziggy, il s'appelle. Non, c'est pas ça, c'est. Moi, j'étais un fils à maman, tous les soirs en m'endormant. Elle me disait, quand tu seras grand, ça c'est Ziggy qui chantait dans Starmania ou Mogador. Donc, oui. Absolument, c'est la chanson de Ziggy, la vraie chanson de Ziggy, qui était en fait un homosexuel qui était tombé amoureux de David Bowie et qui avait pris son nom Ziggy parce qu'il s'agissait de Ziggy Stardust. Donc, c'est pour ça que j'avais tenu comme indice Ziggy. Okay. Tout simplement dans la petite anecdote parce qu'il fallait que je meuble pour que Sherlock ait le temps de nous proposer un ABC des songs. Un ABC song. Eh ben, on va demander à Onissa justement l'ABC song. On l'a déjà fait, je pense, avec oui, toi. Oui, le premier jour où je suis arrivé. Voilà, rappelle un petit peu aux auditeurs le principe de l'ABC song. Alors, vous choisissez un chiffre entre 1 et 100. Ouais, on va dire entre 1 et 20 quand même, parce que 1 et 100. Non, mais t'es t'es gentil, c'est pas toi qui es derrière la tablette. Hein. Gourmande, hein. Ouais, ouais. Et une lettre de l'alphabet entre A et Z, là je peux pas me tromper. Ça va. Oui, super. Alors c'est la lettre en premier. Oh, on choisit comme on veut, hein. Sherlock, il gère. Mais non, mais c'est à toi que je demande, justement. Ah, pardon. Oui, allez, on dit d'abord la lettre et après le chiffre. Donc ? Donc, je vais prendre B12. B12. Comme les vitamines. <J'ai> dit... Ok. Alors, le B12. C'est pas difficile, hein. Ouais, mais il faut qu'il fasse dérouler le menu, c'est ça le problème. Heureusement que t'as pas demandé B36. Ouais, c'est ça. B52, comme les... Hein. Bah, il m'avait dit jusque 20. Écoute, limiter la casse. C'est une chanson qu'on n'a jamais mis. Yeah. C'est Band Aid. Ah, ça m'étonne pas. Hey. Avec oh là là. Do They Know It's Christmas. Ça me parle pas du tout. Alors, c'était une chanson qui avait été faite un peu, tu sais, comme Éthiopie ou Arménie ou les trucs comme ça. Et là, en fait, c'était par rapport, je crois, au SDF. C'était tous des célébrités anglaises qui s'étaient réunies pour le faire ça. Le titre, c'est quoi ? Do They Know It's Christmas. C'était en 84. Est-ce qu'ils savent que c'est Noël ? Ouais. Est-ce qu'il percute quoi, c'est en rapport avec le SDF. D'accord. Sinon, écoute, on va mettre quoi, pour les Tchopi. Il y a les Rapi aussi, mais là, comme Flipcat est en train de parler, vas-y, donne-nous une lettre et un chiffre. On va partir sur S3. S3, je sais pas pourquoi, je me doutais déjà qu'il partait dans les S. Le connaissant. Alors, S3. Je pensais à une voiture, en fait, tout simplement. À une voiture ? Une voiture, une Saab ? Non, une ES, une Audi. Ah, ah oui, carrément, fou. Eh ben, ça aurait fait plaisir, par contre, à Harry. C'est Sabine Paturel avec Petit Bouchon. Oh, c'est mignon. C'est sa chanson préférée de Sabine Paturel. En même temps, elle en a eu deux de connues dans les années 80. Non, mais c'était Les Bêtises et Petit Bouchon. Mmh. Ouais. Mais franchement, dans le Flip 4, quoi ? C'est le hasard, là. Ouais, bah oui. À moi, alors ? Oui, à toi, Canal. Regarde, et moi. Allez, première lettre de l'alphabet, qu'est-ce qui pourrait commencer par... Allez, un A. Ouais. Et Elle est en train de se marrer, mais c'est à toi, tu te tais. Et un chiffre fétiche, le 16. T'as pas 69 ? Si, je crois pas, non. Non, bah 16, alors. À 16. Oh, Aerosmith avec Janis Gadogan. Là, on remet 69. Je crois pas. Voilà, on vous reprend après ça. Donc, voilà, enchaîner avec 3 AVC songs. Oh, quoique, attends, écoute, peut-être 69 quand même. Moi, s'il y a 69, je veux A69. On va vraiment jusque 69. Ah, bien sûr, allez, absolument. Non, pas toi et moi, mais c'est de la chanson. Donc, 16. 16. 19. 20. 20. Il va le faire. On va essayer de trouver le A69. 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, vous êtes toujours 34, en 35, 36, 37, 38. Mais on essaie de vous trouver le A69, c'est important. Oui, quand même. 41, 42, 43, 44, 45. Après les orteils. Voilà. 46, 47, 48, donc, 49, 50. Voilà. 51, 52, 53, 54, 55, 56. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 et 69. Cap ou pas cap, c'est quoi ? Aneka Japanese Boy. C'est très bien. C'est raccord avec Furio, hein, Japanese Boy. Ouais, c'était chouette, Japanese Boy. Ça, je connais pas. Voilà, donc à 69, je l'ai. Donc c'était, voilà, cap ou pas cap, j'étais cap. Allez, bah c'est parti. Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish it. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. Pray for the other ones at Christmas time.

et version. Et ben voilà, nous sommes sur RQC. On dit bon, Flipkat, on revient tout de suite. Et là, il fait tomber sa feuille. Voilà. Ah oui, et il se retrouve sous la table. Excusez-moi. Enfin, toujours assis. Hein, donc, bah, donc, attends. C'était Japanese Boy. Alors, ouais, ça, c'était donc un écart de Japanese Boy. Alors, tout à l'heure, tu me parlais donc de Band Aid que tu connaissais pas. Non. Donc, je disais donc hors antenne qu'il y avait quand même des grands noms dans ce groupe improvisé, donc qui ont chanté pour la famine en Éthiopie. Il y avait quand même U2, il y avait Ecstasy, il y avait Duran Duran, Eurythmics, il y avait Culture Club, Queen, les Beach Boys, Ultravox, Madness, Cool and the Gang, les Eagles, Status Quo, Spandau Ballet, Wham, Police. Ouais, quand même, enfin, Frankie Goes to Hollywood, j'en passe, et les meilleurs, quoi. Franchement, c'était vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes. Bah, pour autant, c'est vrai que quand tu entends le titre, ça n'a pas été, quand tu parlais de l'Arménie, ou quand tu vois Jackson, qui avait aussi chanté avec We Are the World, ou. Il faisait ça en Africa, ouais, exact. Ça fait le tour de la planète, alors que le titre que j'ai entendu là, enfin, je sais pas s'il y a des gens, passionnés des années 80, mais je pense que. Je m'en souviens bien, moi, quand même. Franchement, on est en boucle comme ça sur les radios, tout ça. Enfin, moi, je me souviens pas d'avoir été matraqué par ce titre-là, quoi. De mémoire, à moins que je fasse un amalgame avec un autre clip, mais il semblait bien qu'il y avait un clip aussi qui avait été réalisé. C'est possible. Ouais. Morceau. Ouais, c'est bien possible. Ouais, tu vois. Mais moi, je me souvenais pas qu'il y avait déjà autant d'artistes qui avaient. Il y a des phénomènes quand tu regardes la liste. Enfin, c'est impressionnant. Je peux vous la montrer. Bon, c'est pas très radiophonique, mais ne nous la montre pas. Voilà, tout ça, c'est les artistes. Hein, ouais. Donc, comme tu dis, c'est pas très radiophonique. Ok, on te croyait du monde. Donc, par contre. Ce qui est très radiophonique, c'est notre ami Flipkat avec sa chronique Rock Legacy qui va nous parler des Sparks. Des Sparks avec une introduction. Je fais gaffe quand je dis ça, Charlotte. Ouais, voilà. Donc pas une introduction. On va dire un petit morceau musical avant. Ouais. Donc, alors attends, parce que on va essayer de lancer tout ça dans le groupe des Sparks. Qui me parle ? Ça me parle des Sparks. Les Sparks. Mais ça me dit quelque chose aussi, moi. Le nom me dit quelque chose. Il y a au moins un titre sur les 6 que je vous ai sélectionné qui va vous parler. Et peut-être même l'un des premiers. Les Sparks Industries, c'est Iron Man, ça, non ? Ça, c'est autre. Alors, Starks. C'est Starks, ouais. C'est pas pareil. Non, Sparks, ça veut dire c'est l'étincelle, en fait. Ah oui, je suis bête. J'allais dire les requins, c'est Sharp. Sharks. Ah oui, depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure. C'est étincelle. Il n'y a pas un groupe qui s'appelait comme ça aussi, les Sharks ? Oui. Il y a eu même deux groupes, mais qui n'ont rien à voir l'un. D'accord, bon. Dans les années 80, ouais. The Sharps of Your Mother. Ah, il est revenu ? Bah ouais, je vais pas retrouver l'autre que tu m'avais filé la dernière fois. Vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y, Canon. Sans caisse. Moi, c'est marrant, ça m'a toujours rappelé des bons souvenirs à une époque où j'écoutais ça. Alors, cela dit, oui, effectivement, mais tout à fait. La différence, ma chère, c'est que je ne suis point vieux, je vieillis. Ah oui, comme tout le monde, voyez-vous. Voilà. C'est marrant, tous les vieux que je rencontre me disent la même chose. Ouais. Je suis pas vieux, mais je vieillis. Bah écoute, je vais dire une chose, quand je vois la gueule de certains vieux, je suis content d'avoir la mienne, quoi. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Voilà, mais moi, je le dis tout le temps. Enfin, je suis pas encore vieux. C'est pas parce que je te regarde qu'il faut pas sentir. Par rapport à d'autres, voilà. Je me dis, c'est vrai que tu dois être. Mais je me dis, maintenant, en disant ça, c'est pas important qu'il faut te sentir visé. Ah, mais moi, je me suis jamais senti aussi jeune. Eh bah voilà. Ouais, franchement. Bon. Cela dit, ici, ce soir, vous me devez le respect. Mais bien sûr, papy, allez, vas-y. Et papy vous dit bien les choses. Parlez de Sparks alors. Ok. Bah si vous me laissez démarrer, ma chère. Bah, vas-y. Allez, trêve de plaisanterie. On y va. Alors donc, on va vous parler des Sparks. Alors pour vous, c'est un groupe, puisque les trois quarts du temps, je vous parle de groupe anglais. Bah donc pas de bol. Ce soir, c'est un groupe américain, puisque c'est un groupe qui a été fondé en 68. Et oui, 68 déjà, à Los Angeles par deux frangins, Ron et Russell Mael. Alors le groupe était connu notamment pour ce morceau, alors c'est pour ça que je disais, peut-être que ça vous parlait, qui s'appelait « This town ain't big enough for both of us ». Et ça c'est en 74. Oui. Enough for the both of us. c'est bon ça. Oui. Musicalement très particulier, mais ça me fait. Je disais, ça me fait penser à Queen. C'est une écriture un peu barrée. Ça fait un peu opéra rock. Opéra, bien sûr. Dans les sonorités. Ça me fait penser un peu à Klaus Nomi. Absolument. Oui, qui est mort en 80 du sida. Et premier artiste déclaré mort officiellement du sida. Absolument. Alors là, donc évidemment, je vous ai passé, j'ai pas suivi la chronologie, je vous ai passé ce titre parce que le groupe, effectivement, s'est fait connaître grâce à ce premier titre qui date de 74 et issu de l'album Kimono My House. Et Kimono My House. Ma maison, hein, je précise, et pas autre chose. My House. le kimono, on est bien d'accord. Le kimono de mon cul. Ouais, voilà. Je voulais pas le dire, mais c'est fait comme ça. C'est fait. Merci. On me paye assez cher pour parler des moonways. Tout compte fait, je suis la prochaine fois, je vais me laisser aller. Ah, bah t'as bien raison, lâche-toi. Allez, ouais, par exemple. Les Kleenex sont à deux. Si je me lâche, ça va pas être ici. Allez, on continue. Alors, évidemment, les deux frères Mel s'adjoignent la collaboration de grands guitaristes comme Earl Monckey et avec le batteur John Mandelson, le bassiste Surly Ralph Oswald. Ils enregistrent une démo sous le nom, alors au début ne s'appelait pas les Sparks mais Alf Nelson, un nom qu'ils n'ont pas gardé bien longtemps, et c'est toujours donc sous ce nom qu'ils ont enregistré un premier album qui était produit par Todd Rundgren, un album qui sort en 71 avec le titre Wonder Girl que voici, et là on est en 71. She was a wonder girl, wonder girl. It was a grand old time we had. She was there, and I was pretty glad about that too, knowing that she knew it. Alors ce titre donc issu de leur premier album, hein, Subtitle, en fait était à l'origine issu de la démo qui avait été faite sous le nom de Alf Nelson, et c'est quand même leur premier single qui avait déjà remporté un vif succès à l'époque aux States, et donc vu le succès rencontré, ils ont vite réédité ce disque sous le nom définitif des Sparks. Alors à l'origine, ça j'ai pas trouvé pourquoi les Sparks en 72, donc hein, toujours avec donc ce titre qui fait partie de ce premier album. Alors le groupe, évidemment, venant changer de nom, sort un autre album qui s'appelait A Wolf and Twister's Clothing en 73 là. Avec pas beaucoup de titres émanant de cet album vraiment transcendant. Et c'était novateur à l'époque quand même. Ouais, quand même. Septembre 4. Le tout premier que je vous ai passé, oui. Dans cet univers-là, puisque on dit les années 80, souvent c'est vraiment vers 85, 86, 90 que ça a vraiment commencé à bouger. En fait, quand tu regardes bien, et eux, ils étaient vraiment novateurs. Hein. J'étais même étonné que leur carrière remonte à si loin en fait, quand on regarde carrément le début des années 70. Ouais. Ah donc évidemment, bon, pour eux, les années 70 se clôtureront avec la sortie d'un best-of qui se concentrera évidemment sur la période anglaise, parce que je dirais qu'ils se sont popularisés en Europe, surtout via l'Angleterre, et en reprenant deux inédits. Alors pour le premier, je ne l'ai pas trouvé, Tearing the Place Apart, et le troisième, Gone with the Wind, qui est paru sur un label français connu à l'époque, qui s'appelait Big Beat Records, en 76. Ou recèle d'ailleurs, si vous regardez sur la photo, c'est assez marrant. Beat Records. Big Beat Records. Ouais. Faisait beaucoup de 25 centimètres. Si vous continuez à vous moquer de mon accent néerlandais, je vais crier très fort. Et sur, j'ai regardé la pochette de l'album, en fait, Russell apparaît seul sur la pochette. Jack Russell. Oh mon Dieu. Atlanta tonight. Hey, for a buck, we could stay here all night. Long live the Confederate flight. It's history, it drags on and on. It wasn't my fault, it lasted till dawn. Your mammy's got to think like me, it's praised by the Academy, and she'd rather gable than your dad. So tell her please I'm an innocent lad. C'est très riche, je disais musicalement, en fait, c'est, on aime ou on n'aime pas, mais c'est très riche. C'était déjà assez pop rock. D'ailleurs, on a retrouvé ça, Madness l'a fait à partir de 82 pour se détacher de la mouvance ska. Et depuis cette époque-là, il fait des albums où on retrouve à peu près cette consonance musicale. Ouais, c'est propre. Ouais. Ouais. Déjà assez étonnant. Et là, donc, je rappelle, on était en 76. Je vous invite d'ailleurs à regarder, si vous pouvez, sur YouTube les pochettes des 45 où on voit le groupe. Et on reconnaît bien donc, les deux frangins, mais sur celui-ci, le Russell donc, apparaît seul. Alors évidemment, en 79, Ron et Russell, les deux frangins, produisent l'album Pas Dormir du groupe français Bijou. Petite incursion, c'est marrant. Mais c'est pas un hasard en fait, puisque je vous parlais précédemment du label Big Beat Records, qui était connu à l'époque, nous notamment dans le milieu rockabilly, pour avoir édité des 25 cm de groupe, dont justement le groupe Bijou, qui était un groupe de rockabilly français. Ah ouais. Je rigole par rapport à la qualité des noms choisis, tu sais. Ouais, là, voilà. Votre nom de scène, Bijou. Ouais, Bijou. Ouais, ouais. Non, j'ai pas dit le nom de votre chien. c'est Bijou. Ouais, non, mais c'est vrai que. Je m'appelle Bijou. Ouais. Et c'était donc un groupe qui. Vous connaissez plus certainement les Alligators. Oui, oui. Voilà. Ouais. Et c'est un groupe qui a. D'accord. Qui a joué à une même époque, sur les mêmes scènes d'ailleurs. Hein. Voilà. Alors ici, on arrive tout doucement mais sûrement sur la fin des années 70, toujours en 79. Ron et Russell décident que la pérennité du groupe Sparks passera par une évolution musicale radicale et confient leur destin au célèbre producteur italo-allemand de Donna Summer, on en parlait tout à l'heure, hors antenne, Giorgio Moroder. Giorgio, ouais. Voilà. Alors ce dernier produit les albums Number One in Heaven, qui est sorti donc en 79, et Terminal Jive en 80. Ces disques connaissent un important succès commercial, le premier au Royaume-Uni, comme je le disais tout à l'heure, le second en France et en Allemagne, et là on y vient avec le fameux hit When I'm With You. Ah bah oui. C'était un peu plus, on va dire, un peu plus affiné, en fait. Et on sent qu'il y a du Giorgio Moroder derrière. Ouais, les gens qui connaissent Giorgio Moroder. Ouais, c'est mais c'était déjà bon. Hein, voilà. Par contre, autant toi et moi, parfois on se heurte, mais là je vais dans ton sens. Mais c'est vrai qu'à la base, en 70, c'était vraiment un groupe plus acoustique qui faisait leur couleur. Là, on sent déjà qu'ils sont un petit peu plus marketés. Voilà, la basse est calée, on sent qu'il y a plus là ils partent en sucette au départ dans leur composition et ça tient. Là on sent que c'est un format, c'est calé, c'est plus commercial. C'est fait pour être vendu hein. Voilà, avec le petit synthé du cœur gamin. Il l'a placé. Oui, oui, oui. Voilà. Absolument. Et ça c'était voulu hein. De toute façon, c'était une décision du groupe hein, en fait. Donc voilà. Et voilà un peu le résultat. Donc un grand, grand titre. De toute façon, je pense que pour les gens, quand on parle de Sparks, ce qui reste, c'est When I'm With You, avec la fameuse vidéo, et le caviariste, le frangin, hein, donc Ron, avec sa petite moustache façon Adolf Hitler. Il a fait fureur d'ailleurs. Hein, mon Dieu. Ouais, voilà, comme ça les placer. Bon, donc on va continuer. À chaque fois qu'il se déplaçait dans des cérémonies, il adorait les petits fours. Ouais. Oh là, c'est pas vrai. Eh oui, oui. Allez, j'en étais à l'aube des années 80. Donc, à nouveau, accompagné par Backing Group, formé à partir du groupe de Los Angeles. Alors, très connu, hein, je tiens à le préciser, Bates Motel. Ça, je connais pas du tout. Je meurs tout de ce groupe. Donc, Motel, donc ça, c'est par rapport à Psychose. Bah oui, oui, oui, oui, je suis assez d'accord. Bates Motel. Oui, mais le groupe. Ouais, ouais, d'accord. Ouais. Voilà, je parlais du groupe, hein. Et Sparks revient donc brièvement au rock avec un titre entre autres, mais ça malheureusement j'ai pas su vous le trouver, Womp That Sucker, et notamment un autre hit qui pour certains n'est pas inconnu, Funny Face. Et là on est en 81. I looked a lot like a Vogue magazine, perfect and la bande originale de Goldorak. Non, mais c'est vrai que le début, ça fait franchement ça. Alors, comme on le disait justement pendant hors antenne, là, à l'instant, c'est vrai que quand on entend bah, notamment le hit mondial When I'm With You et qu'on passe à ça quelques années après, hein, puisque là, on était quand même en 80, un an après, avec ce titre Funny Face, et qui a été un hit quand même, ça, c'est vrai que ça surprend un peu. Alors évidemment, bon, ils se sont pas arrêtés là en chemin. Il y a eu beaucoup d'autres albums, avec Sparks in Outer Space en 83, Pulling Rabbits Out of a Hat en 84 et Music That You Can Dance To en 86. En 88, il va paraître le disque Interior Design. Alors la même année, ben, on va y venir. Et c'est là, j'avais déjà fait une petite parenthèse lors d'une chronique sur les Rita. La même année, évidemment, on remarquera la participation du groupe avec l'album de Marc et Robert du groupe français Les Rita Mitsuko, avec qui ils partagent des titres sur les 11 de l'album. J'étais étonné parce que je pensais que ça se limitait à une participation et pas du tout. Donc il faudrait à la limite que j'écoute les autres. Et notamment, ben, entre autres, de Hip Kit, on avait le single Singing in the Shower. Shower Tonight. Alors c'est vrai que ça faisait déjà quelques temps, j'avais pensé en trop dans les groupes pour mes chroniques Fair Sparks, mais c'est parce que la fois dernière, effectivement, dans la petite parenthèse sur la chronique de Derita Mitsuko, on avait passé ce disque, je me suis dit tiens, pourquoi pas y revenir. Ouais, voilà. Chouette. Alors effectivement, pourquoi pas je les mettrai, même s'il faut, je relirai les titres sur la page des trois participations, entre autres. Hein, de ce titre qui vient de passer, Singing in the Shower. Parce qu'apparemment, il y a eu trois titres qui ont été faits en collaboration également sur le même album. Ça serait intéressant à écouter. Ouais. Ouais. Je vais découvrir comme vous. Alors évidemment, on arrive donc sur la fin, puisqu'on termine ici en 88 avec ce titre. Et j'étais étonné, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je ne sais pas, je ne peux pas dire ce qu'ils sont devenus, il n'y a pas parlé de dissolution du groupe. N'empêche que leur carrière était quand même relativement loin, puisqu'on parle d'eux encore en 2015. Il faut savoir qu'en 2008, ils ont sorti leur 21e album. Wow, j'étais étonné. En 2000, il y a 8 ans de ça. Les Sparks. En 2008. Ouais, on était à leur 21e album. Quand on voit en même temps leur carrière démarrer en 71-71. Ouais, 71. Ah oui, ouais, c'est une bonne carrière. 2009, Ron et Russell donc, prennent encore un nouveau virage en acceptant une commande de la radio nationale suédoise et tenez-vous bien pour faire une pièce opératique. C'est pour ça que tout à l'heure je voulais rebondir ce que tu avais dit. Et je pense qu'il y a quelque part, on ressent un petit peu dans leurs influences musicales concernant évidemment de près ou de loin la Suède. Alors cela donnera une pièce de tête qui s'appellera The Seduction of Ingmar Bergman. Je ne connais pas cette personne. Ingmar Bergman, c'était pas une grande actrice. Ingmar. Non, c'est un homme. Ingmar Bergman. Ah, j'ai pas entendu le nom, j'ai entendu Emma Bergman. Ingmar. Ah, c'est Ingmar. Alors, Ingmar Bergman Ingrid a joué le rôle de la mort dans je ne sais plus quel film. Et on le voit notamment dans le film Last Action Hero avec. Avec Schwarzenegger. Quand il fait la mort. Voilà. Le fléau. C'est ça. Chez qui Le mec qui fait la mort, c'est Ingmar Bergman. D'accord. Et cette comédie musicale, en fait, qui était la première pour Sparks, a fait l'objet d'une double édition bilingue en anglais et en suédois, à la fois en CD et en vinyle, à l'époque. Ah ouais, quand même. Hein. Et alors, je vous parlais de 2015, on y vient. Les Sparks se sont associés aussi au groupe Franz Ferdinand. Ouais, sous le nom FFS. Un album était prévu pour juin 2015, alors je sais pas, j'ai pas su avoir plus d'infos là-dessus, ainsi qu'une tournée passant par l'Europe. Voilà un petit peu, donc quand même une carrière assez surprenante, j'étais étonné moi-même, je vous avouerai. Bah oui, quand même. Voilà. Franz Ferdinand, j'avais bien aimé le titre qu'ils avaient sorti. Ouais, voilà. Take Me Out. Take Me Out. Alors ça paraît étonnant, comme on en parlait tout à l'heure avec Canon, c'est qu'un groupe comme Sparks, qui a pas, pour un groupe qui a marqué les années 80, une carrière aussi importante au niveau envergure hein, que des groupes, on va parler de Depeche Mode ou autre. Mais tout compte fait, quand on regarde, ce sont pas des albums. Très, très, 21 albums quand même. Non, mais je pense, on parle parfois en antenne, mais c'est ça, c'est le côté un peu niche, c'est qu'ils sont restés quand même dans un côté groupe, ils ont moins fait de commercial, et ils ont leur propre identité. Exactement. Et d'un autre côté, bah, quand tu fais pas de commercial, t'es moins connu. Hein. Ça, ouais, c'est, ouais, c'est peut-être aussi, ils n'ont pas suivi le courant. Et à la limite, c'est peut-être pas plus mal, ils ont gardé leurs fans, et puis. Ouais, bah, après, voilà, ils ont fait ce que. Moi, je pense qu'ils avaient envie, quoi. Ouais, qu'ils ont envie de jouer. Ils ont pris du plaisir, au moins, c'est gay, quoi. Voilà. En attendant, bah, merci beaucoup pour ta chronique. Donc, c'était très intéressant. Ouais. Voilà. Donc, bah, vous êtes toujours, donc, dans l'émission 80 à l'heure. Il nous reste encore une grosse, grosse demi-heure avec, donc, la chronique après sur le cinéma de notre ami Sherlock qui va arriver dans quelques instants. Ce qu'on va faire avant, c'est une petite pause musicale, comme d'habitude. Encore un ABC song? Non, là, j'étais parti sur des... C'était une question. Non, j'étais parti... Ils vont toujours chercher les trucs, c'est dans le bas de la liste. Ah non, non, pas du tout. Moi, il m'apprécie parce que je suis pas arrivé. Je lui dis pas, si, tu mets ça, je lui demande un ABC song. Non, non, mais d'accord. Non. Alors là, je suis parti sur trois titres qu'on va s'écouter tout de suite. Alors, donc, Michael Jackson and Friends, donc USF for Africa, avec We Are the World. Oui. Oh, oui. Ensuite, alors, référence à Harry et Cannon qui nous ont chanté cette chanson-là. Donc, Vieille Canaille de Serge Gainsbourg et Eddie Mitchell. Ah, un peu de français, mais c'est bien aussi. Ouais. Et ensuite, pour revenir un petit peu sur Furio et la Seconde Guerre mondiale, Sandra avec Hiroshima. Et je voulais faire une petite parenthèse. Tout à l'heure, on avait parlé justement de ces associations de chanteurs pour des bonnes causes. Ouais. Notamment, tu as parlé de l'Éthiopie tout à l'heure. Et je disais, à une époque, je pense que vous ne savez pas pourquoi, on envoyait tout ce qu'on pouvait à l'Éthiopie, et notamment des médicaments, qu'il a fallu cesser tout envoi de médicaments à l'Éthiopie, à un moment donné. Et à votre avis, pourquoi ? Mon Dieu, j'ai peur. Parce que c'est à prendre pendant les repas. Ouais. Oh non ! Bah, y a une époque, quand tu voyais un grain de riz dans un lavabo, c'était un Éthiopien qui a dégueulé toute la nuit. Hein. C'est ça. Ouais, mais il y en a plein, des comme ça, c'est gore. Bah oui, c'est quoi un Éthiopien avec une assiette sur la tête ? Un abat-jour ? Non, c'est un clou. Un clou. En attendant, Harry, si tu nous écoutes, n'hésite pas à te manifester parce que on voulait savoir. Oui, tu nous manques. Non, c'est pas ça. C'est qu'on voulait savoir si tu vas bien parce que au cas où tu vas mal, comme on est le jour de la fête des morts, on voulait savoir. Et si je pouvais prendre ton petit micro du côté rouge et ton siège. Merci, on t'embrasse. Bon allez, donc on se retrouve donc après We Are the World, Vieille Canaille et Hiroshima. Allez, c'est parti. Must lend a helping hand. We are Quand tu seras mort, vieille canaille. Oh. Tu ne peux rien pour attendre. Je saurais bien te descendre. Mon Dieu. Je suis content d'avoir ta peau, vieux chameau. Ah bon, mais pardon, tu vas. Moi, je t'ai reçu à bras ouverts, vieille canaille. C'est fait. Il y avait toujours ton couvert, vieille canaille. Ouais. T'as brûlé tous mes tapis.

Hiroshima. Donc vous êtes toujours sur RQC 95 FM dans l'émission 80 à l'heure. Il est maintenant 22h passées de 10-12 minutes à peu près. Donc on arrive vers la fin de l'émission. 22h15. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. ça dépend. Bah, attends, il est 22h passées de 59 minutes. 22h12, moi j'ai. Ouais, exactement. Voilà, donc, vous n'êtes pas fatigué avec le changement d'heure? Si, j'ai eu un petit coup de mou. Moi aussi, j'ai un coup de mou là en ce moment. Ouais, je vous rassure, les garçons, c'est normal. Ouais. Ça y est. Il est 22h15, hein, c'est bon. J'ai pas toujours eu un coup de mou à 22h15. Je sais pas si t'as remarqué, mais elle a rebondi sur le fait que t'as dit on a un petit coup de mou. Et, en même temps, c'est normal, les garçons. Ça arrive à tout le monde, rassurez-vous. Bien sûr que ça arrive à tout le monde. Bah oui, enfin, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Surtout un week-end de 4 jours, quoi. Allez. Ouais. Week-end sans long. Pas demander. Ah bah moi, j'ai été sage. Alors, bah écoutez, moi je vais vous parler. Ah, j'ai fait une soirée. Vous avez le bonjour d'Arnaud, notre ami Breton, ouais. Et tout ça. Oui. Et voilà, j'ai fait une soirée avec lui hier, mémorable. J'ai vraiment eu du mal à me lever. Oui. Ah bah je l'ai déjà dit. Oui, c'est bah, ouais, donc oui, vers 15 vraiment heures, j'ai vraiment, heures, là, j'ai là, vraiment oui. eu du mal à me lever. D'ailleurs, il n'est pas encore tout à fait réveillé. Ouais. Bon, ça va aller. Là, je vais vous parler des sorties cinéma de la semaine. Donc la semaine qui arrive, forcément. Tu me laisses faire Ah, vas-y, vas-y. Ça suit dire deux. C'est ça. Ouais, j'allais dire, il manquait le truc là. Balance ton film. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, donc je vais vous parler donc, des sorties cinéma. Donc pour demain, donc pour la Belgique et pour la France. Et je vais commencer donc par la Belgique avec La folle histoire de Max et Léon. C'est donc avec Grégoire Ludig, David Marseille. C'est, si vous connaissez pas, c'est ceux qui font le Palma Show. Ah oui. Et avec également Cadmerad, il y a d'autres d'autres acteurs qui sont plus connus, par contre qui font qu'une petite apparition dans le film. C'est un film de Jonathan Barré, le film m'a l'air aussi ouais, un peu barré. Barré ouais. Ça sort également en France demain. Ouais. J'aurais toujours aimé m'appeler comme ça, Dom Barré. Ça j'aurais adoré. Alors mais donc c'est Max et Léon qui vivent de petits boulots pour subvenir à leur intérêt le plus important dans la vie, c'est-à-dire faire la fête. Jusqu'à ce qu'ils soient mobilisés en 1939. Au fil de cette comédie enlevée, Max et Léon ne cesseront de changer d'identité au gré des circonstances, devenant tour à tour militaires, déserteurs, haut gradés à Londres, espions en Syrie, collaborateurs malgré eux, résistants, héros. Et donc, à l'issue de cette grande vadrouille, ils auront sauvé la France, trouvé l'amour et leur amitié indéfectible s'en trouvera renforcée. Waouh! Donc un grand film en perspective. Hein. Oui, moi j'ai entendu parler. Ouais, enfin, les critiques ont, bonnes, ont l'air vraiment sympas pour l'instant. C'est dans la lignée de la grande vadrouille, ils l'ont bien dit. Avec c'est un monument là, avec l'humour du Palma Show. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Faut voir. Dans l'esprit, mais maintenant, quand t'as dit que ça arrivera à la hauteur, ça j'en doute fort. Bah, écoute, faut c'était voir, quand même du Gérard Houry. Hein. Oui, mais bon. C'est comme Cad, par exemple, je vois comme personnage, il est capable du pire et du meilleur. Moi, c'est un mec phénoménal qui est capable. Moi, je suis croulé, je me dis comment il fait. Et parfois, je l'ai trouvé. Par exemple, Bienvenue chez les Ch'tis, c'est pas ce que j'ai préféré chez lui. Tout le monde va dire oh là là, faut pas toucher à ça. Je l'ai pas trouvé, pas une question à sa place, mais c'était trop gentil. Hein. C'était pas Cad comme. C'est un malade mental, ce mec-là. Il est capable de faire des choses. Si tu es Pamela Rose, moi. Mais par exemple, mais voilà. C'est un truc que j'adore. Bah, l'époque Cad et Olivier, quand ils étaient chez Delarue, ils avaient une petite chronique où ils reprenaient un extrait de film ou un extrait d'émission, mais. Ils avaient coupé le son et c'est eux qui refaisaient les dialogues. Mais ils inventaient un truc complètement. C'était complètement barré et j'adorais ça. Est-ce que vous avez vu, il n'y avait pas longtemps, parce que il n'y a apparemment pas beaucoup de gens qui l'avaient vu, à une époque, il avait fait des sketchs où il recevait, c'était mise en scène, hein, il recevait des invités. Hein, donc un couple, et il était en string. Oui, génial. Ça, c'est bien sûr. Ouais, ça, avec c'est... Valérie Lemercier. Oui, il est excellent celui-là. Oui, à la limite, je me demandais si c'était pas plus de l'impro que de vraiment un sketch. Ouais, si, il devait y avoir de la prose. Ah, ouais, c'est excellent. On va quand il se retourne avec son string. Oui, on cherchait dans le tiroir la pioille. Et quand il sort tous les gueules et tout, le string dans le nez. Oh, où ai-je mis les verres? Ouais, il sort tous les gueules. C'est ça, ouais. C'est excellent. Alors, je continue donc avec le film La fille du train. C'est avec Emily Blunt, Rebecca Ferguson et Hayley Bennett. C'est un film de Tate Taylor. C'est sorti par contre en France déjà la semaine dernière, donc le 26. Et donc c'est Rachel qui prend tous les jours le même train et passe tous les jours devant la même maison. Elle est dévastée par son divorce. Elle fantasme sur le couple qui y vit et leur imagine une vie parfaite. Jusqu'au jour où elle est témoin d'un événement extrêmement choquant et se retrouve malgré elle étroitement mêlée à un angoissant mystère. Oh. Donc elle va essayer d'élucider justement ce mystère en allant voir ce couple, en se demandant un petit peu ce qui se passe. En plus, apparemment, à ce que j'ai compris, elle doit connaître apparemment des personnes de ce couple. Mais c'est un film style auteur ou plutôt style blockbuster? Enfin, c'est très suspense, c'est thriller, très... Ouais, c'est plus thriller quand même. Ouais, quand même. Ouais, ouais. Ensuite, là c'est un film qui aurait peut-être plu à Harry, c'est un film qui sort en France demain, qui s'appelle Ouija, les origines. Je pense qu'il était allé voir le premier, enfin le premier, le séquel, parce que là c'est le préquel, justement. Ouais. Donc c'est avec Annalise... Durine. Non, ouais. je l'attendais. C'est même pas réfléchir. Ça non, sort mais, seul, bah, oui, mais... Tu lui tends les perches aussi, attends. Avec Annalise Basso, Elizabeth Reaser et Lulu Wilson, c'est un film de Mike Flanagan. Flanagan, ça me fait penser, ça me fait rigoler en fait, comme Flanagan. Et donc, ça sort en Belgique le 23 novembre. Donc à la fin du mois. Ça se passe à Los Angeles en 1965. Une veuve et ses deux filles montent une nouvelle arnaque pour pimenter leur commerce de séances de spiritisme bidon. Chemin faisant, elles font involontairement entrer chez elles un esprit maléfique bien réel, lui, par contre. Lorsque la fille cadette est possédée par la créature impitoyable, la petite famille doit surmonter une terreur dévastatrice pour la sauver et renvoyer l'esprit de l'autre côté. Donc là, c'est le préquel du film Ouija qui est sorti il y a un an à peu près. On va voir de où vient cette planche maléfique. Rappelons qu'après qu'elle, en fait, c'est un film. C'est le film qui se passe avant. Avant l'histoire. Voilà. Comme ça, on comprend mieux. Et enfin, donc, je vais finir avec un truc pour les plus jeunes, c'est One Piece. Jaune devant, marron derrière. C'est pour les plus jeunes. C'est un film belge, c'est écrit par Manneken. C'est un manga. C'est un manga. C'est de Hiroaki Miyamoto. On n'a pas encore de date pour la Belgique. Donc One Piece, c'est un film. Enfin, c'est un dessin animé. Un peu. C'est un peu vu comme le nouveau Dragon Ball Z. Donc c'est un film. On est fan de ça. Ouais. Alors donc dans sa quête du One Piece, l'équipage au chapeau de paille arrive sur Grand Tesoro, capitale mondiale du divertissement où les hommes fortunés viennent jouer au casino et assister aux spectacles les plus grandioses. Grand Tesoro est un sanctuaire imprenable contrôlé par l'empereur de l'or, Guild Tesoro. Même la marine ne peut y intervenir, mais Luffy, donc le capitaine du bateau, c'est un gringalet, hein. Franchement quand on le voit il est vraiment pas épais, avec un chapeau de paille, donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'équipage du chapeau de paille, et donc Luffy et ses compagnons vont vite découvrir l'effrayante face cachée de cette ville et devront risquer leur vie pour tenter de s'en échapper. Donc bon, c'est un manga, c'est fait vraiment pour les plus jeunes, mais... Ça a franchement beaucoup d'impact sur les jeunes. Il y a beaucoup de fans. Et je pense que ça va trouver son public de toute façon. Le dessin animé passe encore d'ailleurs en semaine sur une des chaînes de la TNT. Oui, je pense que c'est sur MCM ou Game One ou un truc comme ça. Quoi. Game One, je pense. Ouais. Voilà. Ouais, c'est bien possible. Oui. Olisa, qu'est-ce que tu irais voir? Ah, d'habitude, tu me demandes avec qui j'irais d'abord. Ben, le premier, moi, quand même, pour voir si c'est dans l'esprit de la Grande Vadrouille. D'accord. Ouais. Donc, Max et Léon... Avec... qui la folle histoire de Max et Léon. Ouais. Flip 4. Bonne question. J'avoue que là... Merci, Flip 4. Et le premier... Même le premier, par curiosité, pour voir si c'est dans la lignée, ça me dit rien. À moins que quelqu'un ait une place gratuite à me courir, je veux bien. Tu vas toute seule dans ton love seat. C'est pas grave, je vais très bien installer. Attends, Sherlock n'a pas encore... Canon, vas-y, La fille du train. D'accord. Ouais. Ah, peut-être bien ça. Tiens, j'aime bien les histoires dans un lieu clos où t'as Voilà, t'as un thriller. J'aime bien le train parce que c'est très clos. Ça peut pas sortir à droite, à gauche, etc. Ouais. Tout se passe là. Donc, soit le film. Alors, c'est non, un non. Le film, tout se passe pas dans le train. Ah. C'est juste qu'elle prend le train tous les jours et elle voit toujours, maison, toujours ouais. le même couple. Ah, elle se fait une histoire. Ah oui, pardon. Et par contre, il va se passer un truc apparemment sous un pont. Il y a, elle entrevoit quelque chose. Ah et, oui, d'accord. Alors, je sais pas exactement ce que c'est, si c'est un crime ou quelque chose comme ça. Et elle va essayer de mener l'enquête pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Je croyais que c'était vraiment en vase clos dans un train parce que le film, tu t'emmerdes et tu le quittes au bout de 10 minutes, soit en général c'est très très très bon tout ce qui se passe dans un avion ou un train. Ouais, voilà, le scénariste est obligé d'écrire un truc à tiroir énorme parce que c'est en vase clos. Mais dans ce style-là, il y a un film que j'ai adoré. C'était avec Colin Farrell. C'était le film Fun Game. Oui. Où le mec était dans une cabine téléphonique pendant tout le long du film. Ah oui, ça pour une fois j'en ai. Ah ça, je l'ai vu. J'ai pas vu le film. Oh oui. Et franchement, j'ai vraiment accroché à ce film où en fait il est lui, je pense que il est trader ou quelque chose comme ça ou il est commercial ou quelque chose. Donc c'est un gros mytho. Enfin, il sort toujours des gros bobards à ses clients et il se retrouve dans une cabine téléphonique et il est pris en joue par un sniper. Absolument. Et il sait pas du tout où est-ce qu'il est et il bouge pas de la cabine téléphonique durant tout le film. Et je me suis dit, mais on va se faire chier quoi à le voir dans une cabine à parler au téléphone. C'est très bon. C'est comme il y en a un également avec Ryan Reynolds que je vous conseille, c'est Buried, où il est enterré vivant. Oui, bien sûr, ouais. Alors ça me fait peur. Mais celui-là, c'est il est magnifique. Ouais. Franchement, le film, je me suis dit pareil quoi. Je vais me faire chier, le gars, il est dans un cercueil vivant Non, parce que mort, c'est vraiment chiant le film. Ouais, enfin, ouais, c'est vrai. Je viens d'y penser, je me suis dit quand même, le scénariste. La caméra GoPro qui est mise dans un cercueil d'un mec d'or 2 heures. Le scénario, ça peut casse-couille. Mais je me suis dit, franchement, c'est balèze quoi. Faire un film de 1h30 ou 1h40, je me souviens plus de la durée, avec un gars qui est dans un cercueil. C'est chaud. Moi je me suis mis soir sur Netflix là. Enfin soir, cet après-midi chez moi, j'étais sur Netflix en train de regarder. Est-ce que vous connaissez Cap ou pas Cap? Non. Ça vous parle pas? Mais si, moi j'ai entendu parler. C'est un film avec Guillaume Canet et je suis tombé des nues, j'en ai jamais entendu parler. Canet et Cotillard. On va se dire, oui, j'imagine. Ah oui, c'est les amis d'enfance et ils se lançaient toujours des défis. C'est une tuerie. D'accord. C'est une tuerie. On me l'avait conseillé. Je me dis, allez, je vais regarder ça. C'est pas du tout ma tasse de thé ni tout ça. Je vais regarder ça tranquille cet après-midi. Là, ouais, pour, ça part après ma bonne soirée. Ouais, voilà. Il fallait que je regarde un film et, pour venir vivant RQC. Et, c'est un très très bon film. Si vous avez l'occasion, Cap ou pas Cap, c'est un très très bon film. C'était vraiment très, très ouais, de mémoire, je pense que c'était des amis d'enfance qui se lançaient des petits défis et ils ont continué en grandissant, mais je pense que ça part un peu dans le gore ou un truc comme ça. Hein, c'est donc, des malades de manteau. Mais que tu parlais de gens qui ont été enterrés vivants, il y a eu des cas hein, quand ils ont déterré un nombre d'années, en ouvrant les cercueils, ils ont pu constater que la personne avait dû se réveiller enterrée vivante. Puisque tout l'intérieur, le capitonnage, c'était griffé par les ongles. Moi, c'est ce que je comprends pas. Normalement, quand on meurt, on passe chez les pompes funèbres, vident. Exact. Donc, comment ils font les mecs aujourd'hui, oui. Avant, non, c'était pas comme ça. Non, ils les mettaient comme ça. Ouais. Ils les préparaient pas. Hein. Oui, maintenant, il n'y avait pas d'embaumement. Maintenant, ça peut plus arriver. Quoi. On retire les fluides. C'est pour ça qu'on a plus de... Maintenant, on est vidé. Hein. 7 milliards d'habitants, il faut les nourrir. Hein. Oh, super donc, soirée, là. Bon, et toi, Sherlock, tu irais voir quoi? Eh ben, moi, peut-être Ouija, justement. Parce que j'aime bien les films d'horreur. J'en regardais déjà quand j'étais tout petit. À 4 ans, je regardais les films d'horreur. Oh, quelle horreur. J'étais à table avec mes parents, on regardait ça, c'était excellent. J'adorais. Ça, c'est la famille. Attends. Ouais, on était déjà avec 4 ans, on était en train de manger, on regardait des films d'horreur, Saw. Et après, quand on a terminé le repas, on a pas de télé, on faisait un film. Il y a un film qui m'a traumatisé, par contre, c'était La maison près du cimetière. Oui. C'était un film italien, je crois, film d'horreur italien, où c'était une famille qui achetait une maison près d'un cimetière, forcément, c'est le titre du film. Et en fait, dans la cave, ça donnait sur une tombe ou une crypte ou quelque chose comme ça. Et il y avait un mort-vivant, donc, en fait, dans la cave. Mmh. Et le truc, en fait, c'est pas ça qui m'a fait vraiment plus peur. C'est qu'à la fin, le père de famille arrive, il met un coup de hache dans le bide du mort-vivant. et on dirait une sorte de Thomas Couli qui coule de ça. Et c'est plus ça, en fait, qui m'a dégoûté. Ouais. C'est, je me suis dit, putain, quand je bouffe de la sauce tomate, c'est ça, quoi. C'est ça. Et j'ai été plus traumatisé par ça que vraiment par le film. Parce que... Surtout qu'il y a beaucoup de films, même de série B, où ce qu'ils utilisent, c'est vraiment de la sauce tomate. Ouais, bah oui, ouais, c'est vraiment, quand tu la vois, tu dis, on dirait vraiment de la sauce tomate. Mais par exemple, Psychose, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous savez ce qui a été utilisé pour faire le sang? Parce que le film est en noir et blanc. Non. Jus de betterave Non, pas du tout. Non. C'est du chocolat. Ah oui? Ouais. Ah oui, parce que ça coule. C'est de la sauce au chocolat, en fait, qui a été utilisée. Hitchcock, avait utilisé de la sauce au chocolat. Donc, forcément, ça se voit pas vu que c'est en noir et blanc, mais Psychose, la scène de la baignoire. Je confonds avec Shining. D'accord. Pour ça, je disais en noir et blanc, j'ai déjà vu en couleur. J'étais encore dans une soirée terrible. Shining, j'en ai parlé il y a quelques temps. Ouais. On parle de sang, il y a justement eu dans des bêtisiers la série Midsommers, comment ça s'appelle, cette série anglaise là, qui se passe toujours dans le même petit village. Dans le même petit village. Ça s'appelle Midsommers en anglais, enfin peu importe, à la limite. Et ils sont évidemment emmenés, enquêtés sur la scène d'un crime, près d'une voiture. La voiture, il y a du sang sur le carreau de la portière. Mmh. Et franchement, t'as besoin de faire un gros plan, juste à l'arrière de l'image, tu vois bien, c'est de la peinture, quoi. Mais la peinture, elle est pas rouge écarlate, elle est vraiment, à la limite, plus. Un orange un peu, tu vois, on voit franchement, c'est la peinture. Ah bah oui, après, quand t'as pas le budget, t'as pas le budget. Hein. Tu prends ce qui passe. Non, mais pendant, c'est une série qui a passé en France, ça s'appelle pas Midsommar, je ne sais plus. Barnaby, voilà. D'accord. Tu sais ce que je pense, c'est une question de stockage, c'est-à-dire, ils achètent par exemple un litre de sang de porc ou n'importe quoi, ou de trucs, tu peux en trouver. Mais je crois qu'après, ils coagulent. Le problème, c'est qu'ils ont tellement de prises et tout ça, c'est que c'est pas facile à manier. Ça doit être d'ailleurs, ça doit tâcher en foutre partout. Donc, aussi, je pense qu'ils préfèrent des recettes. Bon, il vaut mieux avoir le chocolat si tu te fais. En noir et blanc, oui. En noir et blanc, c'est pas gênant. Si tu te prends un couteau dans le bas-ventre et que l'infirmière aime le choco, c'est toujours un tas. C'était l'intervention de Canon. Tiens, parlant de l'intervention de Nissa, on va conclure doucement l'émission. Ah, d'accord, tu tousses. Excuse-moi. Je te laisse conclure l'émission. Eh bien, écoute, moi, je pense qu'on a passé une bonne émission. Par contre, j'aurais juste fait un petit encart pour Marjorie. Non. Si, vas-y. C'est pour ça que je te demande de conclure. Il y avait le concert gospel. Malheureusement, j'ai pas su y aller parce que j'avais d'autres choses de prévues. J'étais pas dans le coin. Mais par contre, les échos étaient très, très bons. Absolument. Et franchement, on vous tiendra quand même au courant de l'expo qu'elle va réaliser, parce que c'est quand même pas rien. Et c'est quand même phénoménal de ce qu'elle va réaliser. C'est un truc waouh. En plus, c'est une personne super humble et super agréable. On vous rappelle, parce que on les avait reçus, en fait, il y a eu un grand concert de gospel, c'était Marjorie, qui a été atteinte samedi soir. Elle était atteinte d'une grande maladie, on la recevait mardi dernier. En fait, elle va faire trois exploits quand même assez importants. Une ascension monstrueuse, elle va sauter aussi de quelque chose de très très haut, je ne sais plus où, et finir par faire de la plongée sous glace. Glace, donc c'est vraiment un beau challenge. Elle fait ça pour obtenir des fonds pour des associations dont Un rêve, une étoile et tout est possible, qu'on avait déjà reçu récemment, et tous les fonds seront reversés pour prouver que malgré qu'on ait un gros problème ou quoi que ce soit, ou une maladie, on peut s'en sortir. Et je reviens aussi pour les saluer, c'est sur Fantasma Violine. C'est vrai que revenir dessus, c'est compliqué puisqu'on n'a pas eu l'occasion. Ce qu'on peut vous dire, ils ont fait Château Comble quand même. C'est Château Comble, ça a bien fonctionné. Si vous, auditeurs, vous avez été, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez une petite actualité qui a été mise sur la page 80 à l'heure. Vous pouvez toujours nous rejoindre aussi sur celle-ci. Et puis l'année prochaine, il y aura quelque chose qui se passera avec 80 à l'heure là-bas. On vous en parlera plus tard. Voilà. Moi, en tous les cas, je vous salue. Je vous fais de gros bisous à tous et à toutes. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Vous serez en compagnie la semaine prochaine, sauf erreur, des Miss Waterloo. Normalement, oui. Si je me trompe pas, avec notre ami Harry qui devrait revenir prochainement. Et donc les Miss Waterloo, qui seront nombreuses et que nous recevrons avec Flipcat qui fera la chronique et les interviews en direct. J'ai hâte de voir ça. Mais elles sont ravissantes, elles sont vraies. J'en connais quelques-unes, elles sont, enfin pas des Miss, mais des candidates qui sont vraiment adorables. Des filles qui en ont plein la tête, et ça, c'est déjà une bonne chose. Oui, c'est déjà pas mal. Eh ben écoute, Onissa, on va se quitter avec un ABC song. Juste une chanson, vas-y, je vais te demander donc une lettre et un chiffre. C'est 14. C'est 14. C'est très dangereux le C14. Oh là là. Le C4 aussi. Alors, ça, on aurait dû te le dire. C'est la version Semtex du C4. Mais j'aime bien ce qui est explosif. Explosif, ouais. Alors, oh, Catherine Lara avec la roqueuse de diamants. Yeah, j'adore en plus. Allez, bah écoute, on se quitte avec ça et on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Donc 20h, 22h30 sur RQC 95 FM. Ouais, salut, bonne soirée. Bah, merci pour ta chronique aussi, Sharps. Salut, Sherlock. Et c'est merci pas Sharps, pour, c'est Sparks. Sparks. Ouais, c'est ce que je dis. Non, non. T'as pas ripé. Je t'emmerde. Donc bonne soirée. Moi aussi, je t'aime. Bonne soirée. Ciao, ciao. Et bonne soirée à tous. Sous toutes leurs facettes, taillées en rose ou en navette, j'ai comme un frisson dans le dos. C'est mon point faible, c'est mon credo. Car aux carats des pierres précieuses, je prendrai la main.